La première fois que j'ai entendu parler d'ordinateur quantique, j'ai tout de suite imaginé une armée de chats coincés dans une boîte de métal avec des pointes qui aléatoirement les tuent. Devant tout ça, un scientifique qui joue à 1, 2, 3 soleils pour parfois regarder ce qui se passe, qui est encore en vie, etc. Autant vous dire que je n'ai donc jamais compris comment ça pouvait bien servir à quoi que ce soit pour faire des calculs. Et c'est justement ce que va nous expliquer Sylvie Tissot ce soir. Vous êtes dans Podcast Science 174 et nous sommes le 14 mai 2014. Bienvenue! Au sommaire de cette émission en mode interview. Eh bien, l'interview de Sylvie Tissot, donc, sur les ordinateurs quantiques. Une quote, quelques plugs, et puis elle est belle. Donc, autour de notre table virtuelle ce soir. Autour de notre table virtuelle ce soir, on a donc Sylvie Tissot. Bonjour. Bonjour. Qu'Alan va présenter tout de suite, donc je ne vais pas la présenter. On a Irène. Bonjour Irène. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On a Alan. Bonjour, j'ai beaucoup apprécié le 174 que tu as dit spontanément et sans menace en plus. Merveilleux, bravo Nico. Tu vois, au bout d'un moment, j'ai fait les 1 an de podcast suisse, je me sens suisse quoi. Ouais, c'est beau, tu arrives à compter au-delà de 69, ce qui est mieux que la plupart des Français. Je suis très fier de toi, bravo, sincèrement, félicitations. Et puis donc, vous l'avez entendu, on a notre et puis, ouais, voilà. Et puis moi-même de Paris, et puis bien sûr, au-delà de l'audio, finalement, on a tous les autres. On a Pascal dans la chatroom, on a Pouillot qui fait des dessins, on a la grande prêtresse des coulisses qui doit être quelque part pas très loin et qui est entre autres dans la chatroom. Et on a Robin qui écoutera que le début de l'émission. Voilà, et je pense qu'on peut commencer du coup. Donc, Richard Feynman disait que personne ne peut vraiment comprendre la physique quantique. Plus d'un siècle après son entrée dans la science mainstream, le monde quantique continue d'intriguer et de fasciner. À tel point que de nombreux charlatans exploitent le filon des thérapies quantiques, de la médecine quantique et sans doute du rééquilibrage quantique des chakras et autres méridiens. Pour ma part, j'ai un petit peu tendance à penser que l'adjectif quantique, s'il n'est pas précédé de physique ou éventuellement de mécanique, annonce une arnaque. Alors, est-ce que c'est le cas avec les ordinateurs quantiques? Ben, c'est l'une des questions auxquelles on va tenter de répondre avec notre invitée, Sylvie Tissot. Sylvie, tout d'abord, un immense merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Podcast Science. Merci de l'invitation. Et pour te présenter en quelques mots, donc, tu es informaticienne. Tu mènes une carrière qui combine différentes approches. Tu es active dans la recherche, notamment, dans des applications concrètes. Tu développes des logiciels, je crois, tu vas nous en parler. Puis des projets artistiques également. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc mon activité principale, c'est du développement de produits numériques. J'ai des clients qui peuvent être soit des PME, des grands groupes, des institutions culturelles pour lesquelles je fais aussi des bandes interactives. Et parallèlement à mon activité, en fait, j'enseigne la programmation sous forme de workshops dans des écoles d'art et de design, des workshops qui durent une semaine à peu près. J'accompagne le travail d'artistes qui utilisent le numérique. Parmi eux, il y a Samuel Bianchi, des gens comme Claude Kloski, Albertine Meunier. Et puis, je suis passionnée de programmation, donc tout ce qui touche à la recherche autour des langages de programmation m'intéresse. Et c'est pourquoi je me suis engagée dans différents projets de recherche relatifs à la programmation. D'accord. Donc, si on a tout bien suivi, en fait, tu n'es ni physicienne ni mathématicienne. Qu'est-ce qui a bien pu te conduire à te plonger dans la physique quantique, qui décrit donc la réalité à une échelle subatomique? Régulièrement, je regardais passer des articles sur différents sujets scientifiques, et j'ai vu de plus en plus d'articles qui parlaient des ordinateurs quantiques, de l'émergence de calculateurs quantiques, et ça m'a titillé parce que je me posais pas forcément la question de comment on allait construire ces ordinateurs, mais comment quelqu'un comme moi qui fait de la programmation, comment je pouvais imaginer, programmer ce type de machine. Et ces articles étaient d'autant plus fréquents que, en fait, d'année en année, on s'approche de 2020, date à laquelle, normalement, selon une loi empirique qui s'appelle la loi de Moore, les composants, le nombre de transistors sur les microprocesseurs, le nombre de transistors sur les puces de silicium double tous les 18 mois à peu près. Ça veut dire que les composants électroniques diminuent de taille et en 2020, on en sera à l'échelle des atomes et des particules. Or, à cette échelle-là, la matière ne se comporte pas comme à notre échelle classique. Et donc, il faut tenir compte de ce comportement de la matière dans la manière de penser les ordinateurs. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était de savoir comment je pouvais imaginer programmer ou en tout cas manipuler des valeurs de vérité du 0 et du 1, sachant que ce n'était pas 0 ou 1. Donc pour comprendre ça, sachant que j'étais complètement novice, je connaissais rien, j'ai exploré 4 pistes. La première, c'est déjà savoir de quoi, enfin, en dehors des ordinateurs quantiques, ce que c'était que la mécanique quantique, en tout cas les principes qui étaient mis en jeu dans le calculateur quantique. Et pour ça, j'ai lu plutôt donc des ouvrages de vulgarisation, notamment ceux d'Étienne Klein, mais aussi des autobiographies, celles de Planck, celles de Heisenberg, pour essayer de comprendre ce qui, eux, les avait motivés et par quel chemin ils étaient passés pour en arriver là. Par ailleurs, quand j'ai essayé de creuser la question, toujours avec des ouvrages de vulgarisation sur les calculateurs quantiques, là, je me suis aperçue qu'il y avait deux types de publications. Il y avait des publications grand public, ce qu'on trouve dans les différents magazines, les articles en ligne, mais qui sont extrêmement flous et qui, en plus, utilisent une terminologie qui est toujours du bizarre, du mystérieux, de l'étrange, et ça contribue à donner, enfin à flouter un peu les notions qui peut y avoir derrière ça. Et donc je comprenais pas plus de quoi il était question. Et par ailleurs, du coup, j'ai essayé d'identifier les chercheurs qui travaillaient sur la question. Et quand je regardais leurs publications, je ne comprenais rien parce que le formalisme mathématique était trop. Enfin, je n'étais pas habituée à ça. Et de fait, j'ai demandé à des gens. Enfin, je me suis adressée à ces chercheurs pour qu'ils m'apprennent ce que c'est que le calcul quantique. Et parmi eux, il y en a une qui s'appelle Julia Kempe qui a accepté de me donner des cours particuliers. Et pendant 6 mois, elle est venue une fois par mois pour m'apprendre les principes qui étaient mis en jeu et me faire faire des exercices comme ça. Et j'ai rencontré aussi d'autres gens comme Sophie Laplante qui travaille maintenant à Paris Diderot, sachant que Julia Kempe et Sophie étaient auparavant au LRI à Orsay. Et je me suis aussi adressée petit à petit, j'ai compris de quoi il s'agissait, j'avais quelques questions à poser, et je me suis adressée aussi aux pionniers du calcul quantique, enfin je vais revenir après, en allant les voir en Angleterre, notamment Richard Chaussa à Bristol et David Deutsch, qui est celui qui a créé le premier algorithme quantique. Une autre piste, c'était aussi une piste philosophique, parce que si on remettait en question une logique basée sur du 0, du 1, du vrai, du faux, il fallait savoir ce qu'il y avait derrière. Et du coup, j'ai lu un ouvrage qui s'appelle « Les lois de la pensée » de Georges Boulle, qui avait été publié en 1854, et notamment la traduction faite par un philosophe qui s'appelle Souleyman Bachir Diagne, qui enseigne à Columbia University et qui, de passage à Paris aussi, a accepté de me voir. Et la dernière chose aussi que j'ai faite, c'est que comme j'interviens dans des écoles de design, j'ai utilisé leur technique, leur pratique pour me fabriquer des objets de représentation. Donc voilà, c'est en balayant tous ces domaines-là que j'ai réussi à me doter d'outils qui m'ont permis d'aborder la question, quoi. Alors, j'avoue que je suis très impressionné. On est un peu une bande de fous sur Podcast Science. On a tendance à se plonger, à se documenter quand on s'intéresse à des sujets impossibles. Mais à ce point-là, je crois que ça dépasse vraiment tout ce qu'on a pu faire ici. C'est-à-dire que j'ai essayé, comme par ailleurs, je suis obligée de gagner ma vie en produisant. J'ai ma propre société, etc. J'ai besoin d'aller très vite. Et le fait, par exemple, de m'adresser à des gens, de leur poser de manière assez naïve mais directe des questions, ça a accéléré énormément mes connaissances et puis la manière dont j'ai pu après comprendre ce dont il était question. C'est-à-dire que j'ai peut-être fait preuve de pas mal d'opiniâtreté à relancer les gens, aller les voir, pas faire un siège chez eux, mais quasiment quoi, pour essayer d'en savoir plus. Donc, mais en même temps, ça permet de gagner du temps. Effectivement. On va parler un petit peu des ordinateurs ou calculateurs quantiques. Je ne sais pas comment il faut dire. Il y a une expression consacrée d'ailleurs, ordinateur, calculateur, c'est la même chose. Alors justement, la première, enfin l'expression était anglo-saxonne auparavant. C'était quantum computer. Et je pense qu'il y a eu un petit problème de traduction quand on a traduit ça en ordinateur quantique. Et effectivement, en tout cas en l'état, vaut mieux parler de calculateur quantique. Il y a une expression consacrée qui est quand même le QIP, Quantum Information Processing, qui est la plus partagée, on va dire. D'accord. Et en informatique classique, on sait tous ce qu'est un bit. C'est cette minuscule unité d'information qui connaît deux états, un 1 ou un 0, c'est-à-dire on ou off, allumé ou éteint, quoi. C'est un système binaire, mais qui permet tous les prodiges de l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Est-ce que, enfin, avec des calculateurs quantiques, on parle de qubits. Ah, c'est pour quantum bit, je suppose, oui. Ou bit quantique. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Donc la représentation du bit quantique, c'est du 0 et du 1, mais on utilise des propriétés des particules, en fait. On utilise quelques propriétés définies par, mises en évidence par la mécanique quantique. Une des propriétés, c'est le fait qu'une particule peut être dans une superposition d'état. Une autre particularité, c'est que, par exemple, un photon peut être à deux endroits à la fois. Une autre des particularités, c'est que ces états interfèrent entre eux. Donc, on peut utiliser les interférences entre les états. Lorsque on observe une particule, on détruit la superposition et on dit qu'on projette sur un des états avec une probabilité qui peut être calculée. Et on peut combiner des états de particules et on peut les faire évoluer. En ce qui concerne l'informatique, sachant qu'un bit classique, c'est du 0 et du 1. Un bit quantique, c'est une superposition de 0 et de 1. Et tout l'enjeu du calcul quantique, ça va être combiner ces superpositions d'états, de les faire évoluer pour créer des interférences qui seront soit destructives ou constructives, c'est-à-dire que quand il y a plusieurs interférences, parfois il y a au fil des manipulations, les amplitudes liées à tel ou tel état peuvent s'éliminer ou s'amplifier, et tout ça pour faire en sorte que au moment où on mesure l'état d'une combinaison de particules, on augmente la probabilité d'avoir une bonne réponse. Donc si il s'agissait juste de mettre une particule en état superposé et puis après de mesurer son état, on n'aurait pas de gain particulier à faire du quantique. Mais si on est suffisamment malin, on va créer des modifications dans les superpositions d'état pour, par exemple, si à un problème donné, on va faire en sorte sorte que les mauvaises solutions correspondent à des annulations d'amplitude liées aux états et que les bonnes solutions correspondent à des amplifications d'états. Et au moment où on mesurera, on sait que ce qu'on a mesuré, c'est une très très grande probabilité d'être la bonne réponse. Donc c'est ça le principe qui est derrière le calcul quantique. Donc en fait c'est un principe qui est au départ mathématique, parce que après je vais revenir là-dessus pour savoir comment on fait pour créer un qubit physiquement, mais l'idée c'est que une superposition d'états mathématiquement on la représente par en fait le 0 c'est un vecteur, le 1 c'en est un autre. Et la superposition des deux, c'est ce qui s'appelle une combinaison linéaire, c'est-à-dire on multiplie par un coefficient un des vecteurs et on ajoute l'autre vecteur multiplié par son coefficient. Donc ça, c'est une combinaison, sachant que chaque coefficient représente en gros au carré la probabilité d'obtenir l'état. Combiner des particules entre elles, mathématiquement, ça correspond, par exemple, si on a une particule qui est en 0 et une autre en 1, on pourra avoir une particule qui peut être soit en 0 et 1 et une autre qui peut être soit 0 et 1. On peut avoir toutes les combinaisons 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et du coup, avec deux qubits, on a quatre états. Et mathématiquement, ça porte un nom, ça s'appelle un produit tensoriel. Et de même, les évolutions, comment on fait évoluer les particules, comment on joue sur les interférences, mathématiquement, on reprend le principe de Heisenberg qui lui représentait les évolutions sous forme de matrice. Donc c'est ça qu'on met en jeu. Et voilà. Donc en fait, tout le formalisme lié au calcul quantique, au départ, c'est un jeu mathématique avec quelques briques de base et qui après permet de faire des calculs. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais je suis pas sûr, mais on y arrivera. on a toute la mission pour clarifier le concept. Pour moi, il y a un truc qui est vraiment pas clair concernant les calculateurs quantiques, c'est est-ce que ça implique ou pas un phénomène d'intrication ? L'intrication, c'est un phénomène qui avait été déjà mis en évidence dans les années 30 par Einstein, Podolsky et Rosen, qui, en faisant leurs calculs, justement des calculs matriciels sur des combinaisons d'états, se sont aperçus qu'il pouvait y avoir un état tel que deux particules pouvaient être en superposition d'états tel que si on les séparait et qu'on les mettait à une distance mais quelconque, quelques centimètres, des milliers de kilomètres, lorsqu'on mesurait l'état d'une particule, automatiquement l'autre particule se projetait dans le même état. Dans les années 30, ça posait pas mal de débats en disant mais c'est pas possible, rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, etc. On n'arrivait pas à trouver une interprétation à cette chose-là. Toujours est-il que l'intrication, elle est utilisée dans les calculateurs quantiques, mais pas systématiquement. Ce qui est utilisé, ce sont les interférences et parfois sur certains problèmes les intrications. Donc, j'ai donné trois exemples. Le premier, c'est ce qu'ils appellent l'algorithme de Deutsch. Donc c'est le premier algorithme quantique qui a été imaginé par David Deutsch en 85. Et donc j'ai déjà donné une vision métaphorique. Puis après sur le en termes mathématiques ce que ça représente. Et dans cet algorithme-là, il n'y a pas d'intrication. Donc, il faut imaginer par exemple deux personnes, une qui porte un chapeau rouge et une autre un chapeau vert, et un maître du jeu qui possède quatre cartes, deux rouges et deux vertes, mais il ne montre pas ses cartes à la personne au chapeau rouge ni à la personne au chapeau vert. À chacune de ces personnes, il donne une carte, mais sans la montrer. Donc, face contre la table, À la personne au chapeau rouge, il donne une carte. À la personne au chapeau vert, il donne une carte. Et il pose la question aux deux, là, il dit, est-ce que vos cartes sont de la même couleur ou pas? Eh bien, pour résoudre ce problème-là, en algorithmie classique, pour faire un algorithme classique là-dessus, eh ben, on dit, eh ben, retourne la première carte, regarde la couleur, retourne la deuxième carte, regarde la couleur. Si ça, c'est la même couleur, eh ben, la réponse, c'est oui. Si ce ne sont pas les mêmes couleurs, la réponse, c'est non. On a besoin de retourner deux cartes pour le faire, de faire deux mesures. Alors que avec un algorithme quantique, ça reviendrait en fait à mettre en superposition d'état les cartes et faire une évolution du système. Et au moment où on distribue les cartes, il suffirait de retourner une seule carte parce que la carte qui serait retournée posséderait une information en plus sur de quelle couleur est l'autre carte. Et donc, avec juste une carte, on la retournerait. On dirait, bon, si elle est rouge, ça veut dire que les deux sont de la même couleur. Si elle est verte, les deux sont de couleurs différentes. Donc ça, c'est la vision, c'est la petite histoire pour raconter comment ça se passe. Mathématiquement, en fait, on partirait. En fait, ça revient à le problème qui est en face, c'est de dire j'ai un ensemble de 0 et 1. J'ai une fonction sur 0 et 1 qui soit donne 0, soit 1. Voilà. Est-ce que cette fonction est constante ou pas? Voilà. Est-ce que les deux fonctions, la fonction de 0 donne 0, la fonction de 1 donne 0. Est-ce que la fonction de 0 c'est 1, la fonction de 1 c'est 1, ou est-ce que c'est panaché les résultats? Donc ça, c'est la question posée de manière mathématique. Et en termes de calcul quantique, on va partir d'un 0 et d'un 1. On va les mettre en superposition d'état. On va les faire interférer. On va appliquer la fonction sur cet ensemble de qubits. Ensuite, on va mesurer et la manière dont on aura mis en superposition d'état fait que on est sûr. Et ça, c'est démontré mathématiquement, mais je peux pas vous donner les formules là parce que c'est un peu trop compliqué comme ça sur le podcast. Mais on s'est démontré que si on obtient une valeur, bah, ça veut dire que les deux cartes sont de la même, enfin que la fonction est constante ou sinon elle ne l'est pas. Autrement dit, la conclusion de ce et pourquoi ça a marqué un peu les esprits, c'est, alors même que c'est un exemple tout bête, c'est que alors qu'en classique on a deux mesures à faire, en quantique on en a qu'une. Ensuite, plusieurs années plus tard, David Deutsch a travaillé avec Richard Josa pour généraliser ça, etc. Et ils ont montré qu'on pouvait accélérer les calculs de manière assez importante, simplement en jouant sur les interférences. Ça, c'est un premier type d'algorithme. Le deuxième algorithme dont je vais vous parler, mais qui là fait intervenir l'intrication, c'est l'algorithme de Shor qui a fait l'effet d'un boulet de canon en 1994, parce que c'est quelqu'un qui s'est attaqué au problème de ce qui s'appelle la factorisation en nombre premier. Alors, c'est comment on décompose un nombre en facteur premier. C'est un problème qui est réputé très difficile à résoudre et tellement difficile à résoudre que c'est la base même de tout ce qui est la cryptographie, comment on crypte des transactions bancaires. Il y a un organisme qui s'appelle RSA, et c'est même une manière de crypter les données qui se base sur le fait que de factoriser des nombres, c'est quelque chose, si ces nombres sont très grands, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup, beaucoup de ressources. Par exemple, en 2005, il y a des mathématiciens allemands qui ont réussi à factoriser un nombre de 196 chiffres. C'était un défi lancé par la société RSA. De temps en temps, ils lançaient des défis appui comme ça. Et ils ont réussi, mais avec 5 mois de calcul et 80 ordinateurs. Et Shor, il a théorisé un algorithme. Donc au début, on l'a pas vérifié, mais mathématiquement, c'est vérifié, qui suppose que on puisse faire des calculs qui réduiraient ce temps de calcul à simplement quelques secondes, là où il fallait 5 mois et 80 ordinateurs. Et le principe, c'est on part de différents qubits, on les met en état de superposition, on les intrique. Et ce qu'a fait Shor, c'est qu'il a montré que de pouvoir factoriser, en fait, ça revenait à résoudre un problème de périodicité de fonction. Donc, voilà, fonction est périodique, on a la même valeur de résultat de fonction pour des entrées qui sont séparées de manière régulière. Et en jouant sur l'intrication, il a fait en sorte que, en mesurant que quelques résultats, il a montré qu'il pouvait optimiser les calculs et faire en sorte que le résultat soit beaucoup plus immédiat que si on avait à faire tous les calculs. Et ouais. ça a été et là pour le coup l'intrication était qui était mise en jeu était fondamentale dans le principe de son algorithme. D'accord, mais quel genre de magnitude, quel ordre de grandeur ? On a dit que d'un côté, il fallait 80 ordinateurs pendant 5 mois, c'est ça ? Oui, alors après, dans les calculs qui est prédit, pour la même capacité de calcul, bah, ce serait quelques secondes. Ah ouais ? C'est quelques secondes quand là même. Où. Ouais. D'accord. Ouais. Et enfin, c'était ce qui était annoncé, mais après, parce que. Là, on parle en termes de temps de calcul, mais il y a aussi en termes de nombre de pas, alors que nombre d'opérations à faire. Et par exemple, de factoriser un nombre en classique, il faudrait c'est exponentiel. Plus on rajoute de nombres, plus c'est plus le temps de calcul croît de manière exponentielle. Alors qu'avec un algorithme de Shor, il ne croit pas de manière exponentielle, il croit de manière on dit polynomiale, donc c'est juste des puissances et c'est pas des exponentielles. Donc et là, pourquoi ça fait du bruit, c'est parce que du coup, ça touchait potentiellement au système de cryptage de données et ça a intéressé tous ceux qui travaillent dans le domaine. Ça intéresse les banques, les assurances, les services secrets, on l'a vu par la suite. Et alors même que c'était juste sur papier, ça n'a pas été réalisé. Du coup, ça a un peu secoué le monde de la cryptographie. On comprend pourquoi, effectivement. Ouais. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la téléportation. Alors là, c'est aussi peut-être un terme qui frappe les esprits et qui correspond peut-être pas forcément à la réalité de ce qui est fait, mais en tout cas c'est une technique qui est utilisée aussi dans le fait de crypter les données et puis dans la communication. On parle de téléportation quantique, hein, c'est bien ça ? Oui, de téléportation quantique. D'accord. Donc là, on part toujours de cette idée que deux particules séparées par une certaine distance, en fait, partagent un état, et ce qui fait que quand on mesure l'une, on projette l'autre dans le même état. Et ce qui avait été révélé théoriquement dans les années 30 a été mis en œuvre dans les années 80, notamment par Alain Aspect. Et puis après, il y a une équipe en Autriche aussi qui a permis de vérifier ça. Et l'idée de la téléportation, c'est de prendre une paire intriquée, d'avoir une des particules à un endroit et une autre à un autre endroit. Et ensuite, de prendre une autre particule qu'on veut téléporter, de la coupler avec une des deux paires, là, de la mesurer, et ensuite, on est obligé quand même de communiquer avec l'autre, par exemple, s'il y a deux expérimentateurs, il y en a un à un endroit et l'autre à 150 km, par exemple, comme ça a été le cas dans les années 2007, là. Et celui qui est à un endroit il possède une des particules intriquées, il la combine avec la particule qu'il veut téléporter, il fait la mesure, il téléphone à l'autre personne de l'autre côté en disant bon voilà les consignes à mettre en place, et l'autre du coup peut récupérer l'état superposé de la particule qui a été enfin, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. En fait, ouais. On utilise cette propriété d'intrication pour téléporter une autre particule. Et donc, on peut se demander à quoi ça peut servir, ce genre de choses-là. Et de fait, ce qui frappe les esprits, c'est quand les distances sont très grandes. Mais en réalité, concrètement, pour essayer d'imaginer de fabriquer un ordinateur, comme il va falloir faire des transferts de données entre les différents composants de l'ordinateur à construire, on peut imaginer utiliser la téléportation pour transférer des états d'un état à l'autre, enfin d'un endroit à l'autre de l'ordinateur. Ok, je renvoie les auditeurs qui auraient loupé l'épisode 126 de Podcast Science à le réécouter ou à lire la retranscription qui en avait été faite. On avait reçu Nicolas Gizin qui nous parlait précisément de tout ça, de la téléportation quantique, comment ça marche, à quoi ça sert. Ça nécessite un peu d'aspirine, mais oui. c'est super intéressant, effectivement. Et pour ceux qui veulent même encore en savoir plus, on vous recommande même le livre de Nicolas Gizin. Qui en dit encore plus. C'est vrai, comment il s'appelle déjà, L'impossible hasard, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Non, je sais plus, j'ai des doutes. Bon, on va retrouver. Je profite que j'ai la parole pour faire une remarque là, sur les histoires de cryptographie. Donc d'abord, pour dire que Sylvie a quasiment pas assez insisté sur le fait qu'en effet, si on arrive à calculer rapidement les factorisations de nombres premiers et tout, c'est complètement... Tous les systèmes que vous pensez sécuriser aujourd'hui, des logins sur vos sites internet à vos cartes bleues qui tombent, donc c'est pas rien. Sans doute que si un mec découvre ça, la NSA prend ça en main et le tue en premier. Mais enfin bref, voilà, c'est pas un petit truc. Et le deuxième truc, pour quand même rassurer tout le monde, j'ai découvert moi ce week-end en lisant un autre bouquin qu'il existe d'autres systèmes de cryptographie, dont un où en effet on pourrait calculer plus vite avec les ordinateurs quantiques, mais où on se retrouverait confronté à autre chose, c'est que l'ordinateur chaufferait et que donc on est limité par l'effet, par la thermodynamique qui fait qu'on ne pourrait pas calculer plus vite que jusqu'à l'extinction du Soleil pour le résoudre. Donc on a quand même des systèmes sûrs derrière, même avec l'ordinateur quantique. Mais pas le RSA, en effet. Et sachant que, justement, certes, ce système de factorisation permettrait de casser les codes, mais le quantique permet aussi de crypter des données. Donc on peut aussi simplement imaginer remplacer un système de cryptage par un autre qui lui puisque par exemple on ne peut pas. En fait, là, c'est lié au fait que quand on mesure une particule, selon la manière dont on la mesure, on n'obtient pas forcément le même résultat. Il faut s'imaginer, par exemple, je ne sais pas si vous voyez ces cartes postales striées, qui permettent, enfin, on appelle ça des images lenticulaires, où simplement en changeant l'angle, l'orientation de la carte, on voit un dessin ou un autre. Et ben en fait, de ce qui se passe, enfin, c'est une image, une métaphore pour dire ce qui se passe quand on mesure l'état d'une particule, c'est que selon, on appelle ça la base dans laquelle on va observer l'état de la particule, on obtiendra un résultat ou un autre. Et les systèmes de cryptage de données quantiques se basent là-dessus. C'est-à-dire que, imaginons qu'on ait un émetteur de messages, bon, traditionnellement on les appelle Alice et Bob, hein, ceux qui s'envoient des messages. Donc Alice envoie un état super, enfin une particule en état superposé, enfin un certain état superposé, elle l'envoie à Bob et sachant que selon l'orientation de, par exemple c'est un photon polarisé, selon l'orientation du système de lecture, on peut avoir du zéro de manière sûre, c'est 100% de chance d'avoir zéro par exemple, et si on tourne un tout petit peu le filtre, et ben là on n'est plus 100% et 0%, mais plutôt par exemple 80-20. Donc Alice, elle envoie dans un système particulier 100% de 0 et 0% de 1. Elle envoie ça à Bob. Bob, lui, il sait pas comment regarder cette particule-là, mais il l'observe, par exemple. Et puis, sachant que, par exemple, on lui dit t'as droit qu'à deux bases possibles, donc tu l'observes, tu choisis ta base, tu l'observes. Alice lui en envoie plusieurs comme ça, et après lui en avoir envoyé plein et Bob les avoir lus, Alice lui révèle dans quelle base elle les avait codés. Et Bob compare ça avec la base dans laquelle il les a lus et il peut dire « Ah bah oui, le premier, on était dans la même base, mais le deuxième, non, etc. » Donc, on élimine tous ceux qui correspondent pas à la même base et on regarde les résultats de l'observation. Pourquoi ce système-là est sûr? C'est que, imaginons qu'il y ait une espionne, Eve, qui intercepte la particule avant qu'elle soit lue par Bob. Et ben, si elle essaie de le lire, elle va projeter la particule sur un des états. Et quand elle va le renvoyer, elle ne reconstituera pas l'état superposé dans lequel elle était auparavant. Et donc, ce système est sûr naturellement, puisque si Eve espionne, ça va se voir, parce qu'il y aura des décalages dans les résultats obtenus. Et son observation, le fait qu'elle ait espionné, se verra. Et du coup, la séquence sera rejetée et on recommencera, etc. Donc, par rapport au classique, le fait de crypter les données de cette manière-là, en utilisant juste une propriété qui est que selon la manière dont on observe une particule, on n'obtient pas forcément le résultat. Dans le classique, dans un système classique, on ne peut pas savoir si ça a été espionné ou pas avant de voir les résultats, effectivement, parce qu'il y a eu il y a eu destruction de données après, etc. Mais dans la clé qui est échangée, la clé de cryptage, on ne peut pas savoir si elle a été espionnée ou pas. Alors que avec un système de cryptage quantique, que j'ai bien sûr simplifié là dans mon discours, mais on est sûr que s'il y a une espionne ou un espion, eh bien on le verra parce que ça va détruire des éléments de la clé et cette destruction-là pourra se lire. Je ne suis pas sûr d'avoir compris si on doit être rassuré ou pas. Mais je papotais en même temps dans la chatroom. Pour moi, cet argument sur les... On va pas y rester des heures, hein, mais cet argument sur la cryptographie quantique est assez amusant parce que c'est pas la même approche. C'est-à-dire que de dire qu'on saura dire qu'il a été observé, c'est pas ce qu'on attend d'une transmission sûre. On n'a pas envie qu'à chaque fois qu'elle soit observée, la transmission est plus valable parce que du coup, on peut avoir quelqu'un qui pourrit un canal de transmission en observant tout ce qui passe et du coup, empêche les gens de communiquer. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant de savoir qu'il y a eu une observation et que du coup, elle a été altérée, etc. Mais ça ne répond pas vraiment à la problématique de dire j'ai envie que non seulement elle puisse être observée, mais qu'en plus, la personne ne puisse pas décoder le message. Bah, c'est d'ailleurs ce qu'on utilisait. Alors, parce que évidemment, qui dit ordinateur, secteur dit hacker. Et donc il y a on a vu apparaître ceux qui sont appelés des hackers quantiques et qui en fait ont utilisé ça, c'est-à-dire que ils se sont dit, je crois que c'était en Suède, voilà, c'est des chercheurs norvégiens qui se sont dit, certes, on ne peut pas si on essaie de lire les particules lors d'une transmission, on va être vu. Et donc ils ont changé de stratégie, ils ont entre guillemets aveuglé Bob, c'est-à-dire qu'ils lui ont donné à voir autre chose que ce qu'il devait voir, et ils ont perturbé tout le temps la transmission, et donc Bob ne savait pas, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas lu la clé, mais ils ont empêché Bob de lire la clé. Donc, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit là, sur est-ce que c'est rassurant ou pas. En fait, il s'avère que à certaines stratégies, bah, il y a des contre-stratégies et après, faut essayer de trouver une parade. Voilà. Ok, Nico, je crois que tu avais quelques questions encore. Ouais, alors la première question, c'est que si j'ai bien compris, on prend des objets quantiques, on crée des états qui correspondent à faire plusieurs opérations en parallèle, plusieurs opérations qui correspondent du coup à plusieurs états quantiques, et au final, comme on peut mesurer qu'un seul des différents états, comment on s'en sort pour pas perdre tous les calculs en parallèle alors qu'on procède qu'à une seule mesure ? Ben justement, c'est parce que dans les différents calculs, on aura pris soin de faire en sorte que certains résultats s'accumulent et d'autres s'annulent. Et donc, si certains s'annulent, on sait qu'il y a 0% de chance de les avoir. Et en gros, c'est ce qu'a utilisé David Deutsch, c'est-à-dire que dans son algorithme, il a fait en sorte que, par exemple, à la question « est-ce que la fonction est constante ?», si la réponse est oui, bon, en fait, la réponse qui dirait non aboutira à 0% de chance d'être lu, d'être mesuré. Donc c'est ça, c'est parce que c'est ce qu'on lit, en fait, ce n'est pas un état superposé qui correspondrait à une particule, c'est l'état superposé d'une particule mais qui a interféré avec les autres. Et de fait, on a plus d'informations que si c'était juste une particule. Du coup, la question qui vient derrière ça, c'est que comment on fait pour savoir que le calcul il est fini ? Parce que si on observe trop tôt, on flingue le calcul, en fait. Ça va peut-être être lié en fait à mon autre question qui était de comment construire l'état des particules qui va permettre justement de faire le calcul, parce que peut-être que en fait le calcul est fini à partir du moment où les particules sont dans l'état attendu. Oui, alors déjà. Tout ce que j'ai dit avant, c'était vraiment purement théorique. Et maintenant, il faut se demander comment on construit ça physiquement. Donc, justement, pour construire un calculateur quantique qui manipule des qubits, pour fabriquer des qubits, il y a plusieurs exigences. Il faut déjà que le qubit soit fiable, c'est qu'il soit véritablement dans un état superposé. Il faut pouvoir les manipuler individuellement, et il faut pouvoir mettre en œuvre cette histoire de transformation des interférences, qu'est-ce qui correspond physiquement à la manipulation qu'on fait mathématiquement avec des matrices. Donc le cette histoire de est-ce que le qubit est dans son état superposé, et ben là on est confronté à un problème en mécanique quantique qui s'appelle la décohérence, c'est-à-dire pourquoi la matière se comporte de manière quantique à une certaine échelle et qu'à notre échelle on ne le voit pas, on ne voit pas de superposition d'états, etc. Et la décohérence, c'est le moment où une particule qui était en état de superposition ne l'est plus. Et ce moment-là, souvent, est dû à des interactions entre la particule, son environnement, l'observateur. Donc, pour pouvoir fabriquer un qubit, il faut éviter des phénomènes de décohérence. Or, c'est ça qui est le plus plus difficile à faire, c'est de faire en sorte d'être sûr que la particule reste en état superposé. Alors, pour fabriquer un qubit, soit dans les exemples que j'ai donnés, c'est un photon, j'ai dit un photon polarisé dans un sens ou dans l'autre. On utilise aussi une grandeur physique qui est liée aux particules, qui s'appelle le spin, c'est une propriété magnétique. Par exemple, on utilise aussi des ions qui sont des atomes dont on a extrait un électron. Donc l'idée, c'est de les isoler dans des enceintes à vide, de les refroidir à moins 270 degrés pour les immobiliser, de les exciter par un laser, par exemple, pour qu'ils émettent un photon qu'après on va pouvoir utiliser, par exemple, pour mettre en superposition d'état, on va utiliser des petits miroirs optiques. Ou alors, si on utilise le spin, alors là, on utilise des champs magnétiques oscillants. Bon, je suis pas physicienne, donc je n'en ai que la description extérieure comme ça, mais je sais que c'est ce type de technique qui est utilisée. Et alors que les premiers essais de fabrication de qubits en 98 avaient des temps de décohérence de quelques nanosecondes, ce qui était vraiment c'était rédhibitoire pour espérer faire des calculs quantiques. Petit à petit, on arrive à avoir des temps qui sont plutôt de l'ordre de la microseconde, je crois. Enfin, je ne sais pas où ils en sont actuellement, mais donc c'est toujours pas l'idéal, mais petit à petit, avec les différentes techniques utilisées, on arrive à fabriquer des qubits. Et ensuite, donc le fait de les mettre en état de superposition, c'est de faire en sorte que, par exemple, avec des champs magnétiques oscillants, des choses comme ça. Ensuite, si on utilise des photons, on utilise des miroirs, on leur fait parcourir certaines distances, des distances décalées, des choses comme ça. Et puis après, on a des appareils de mesure pour savoir dans quel état est la particule. Donc, savoir si on concrètement comment on sait que c'est terminé. Je saurais pas vraiment le dire parce que pour le coup, autant j'ai eu beaucoup de contacts avec des chercheurs sur le plan logique, mathématique, autant je n'ai pas vu, par exemple, j'aurais adoré aller dans un lieu où on fabrique ce genre de choses-là, mais voilà, j'ai pas. Ce que j'en sais, c'est ce que j'en sais via les publications que j'ai vues passer ici et là. D'accord. Ouais, mais déjà, c'est assez intéressant. De ce que tu expliques là, c'est qu'il y a quand même toute une préparation à faire pour préparer les particules pour faire un calcul donné, qui en plus ne va pas forcément être exactement la même pour un autre calcul. Et du coup, est-ce qu'on arrive à garantir que le processus ne prendra pas plus de temps que si on faisait un calcul non quantique ? Théoriquement, le fait d'être sûr que ça prend, que ça ne prend pas... que ça prend moins de temps que du classique, c'est garanti par justement cette notion de complexité en informatique qui est théorique. Quel est le temps nécessaire pour résoudre cette notion de complexité, excuse-moi, elle ne prend pas du tout en compte le temps de fabrication et de mise en état les particules. Exactement. Et du coup, on est sûr que en quantique, ça prend pas plus de temps pour certains problèmes, mais dans la mise en œuvre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un décalage entre là où on en est théoriquement sur la résolution de problèmes via le calcul quantique et là où on en est dans la fabrication même des ordinateurs quantiques. Je donne un exemple, par exemple, l'algorithme de Shor. En 2001, Isaac Chuan du centre de recherche d'IBM a réussi à manipuler 7 qubits et trouver que 15 c'était bien 3 fois 5. Donc ça donne un peu un décalage entre la réalité de ce qu'on arrive à faire physiquement, matériellement, et les ambitions du calcul quantique. Donc, à ta question, question, comment on est sûr que ça prend pas plus de temps? Là, pour l'instant, ça prend forcément beaucoup plus de temps, puisque il paraît que, par exemple, les calculateurs quantiques actuellement, ils passent 99% de leur temps à corriger les erreurs et simplement 1% à faire leurs calculs, quoi. Et en plus, la machine là qui était capable de trouver 3 et 5 pour, à partir de 15, elle était capable de faire que ça. Oui, elle était capable de faire que ça. Donc, c'est pour l'instant, la réalité des faits est que d'un point de vue technologique, on est très très loin du compte. On n'est pas. Et donc toutes ces questions sur l'optimisation, par exemple, on peut espérer que puisqu'on manipule des matrices qui sont réversibles, etc., il y a très peu d'énergie qui serait utilisée, alors qu'en fait, quand on voit les photos des dispositifs d'intrication, les lasers qui sont mis en jeu, etc., on se retrouve dans le même registre que les premiers ordinateurs avant les années 45. C'est-à-dire que c'était des salles énormes avec des grosses lampes. Donc je pense qu'on en est pour l'instant où on n'en est pas au point de pouvoir optimiser la mise en œuvre physique des calculs. Enfin, je pense. Après. D'accord, on est au début, quoi. Mmh. Bon, ça a été très vite avec l'ordinateur non quantique. Alors, ça peut aussi aller très vite avec l'ordinateur quantique. Ouais, enfin très vite. Là, de ce que je comprends, on en est un peu à la machine de Babbage, en fait, avec les ordinateurs quantiques. Oui, en fait, c'est plus une preuve de la faisabilité. Mmh. Dans l'industrie, on appelle ça les proof of concept. Donc c'est plus ça, je pense, qui se joue dans la fabrication physique des ordinateurs quantiques, plutôt que la mise en œuvre d'un véritable ordinateur pour l'instant. Pour l'instant, on en est là. D'accord. On reviendra dans un instant à où on en est dans le vrai monde, mais on va rester un peu dans la théorie pour le moment. Ça va nous faire rêver un peu. Moi, j'ai essayé de préparer cette interview un tout petit peu en essayant au moins de faire semblant de comprendre les questions que je posais. Puis j'ai lu dans ce contexte le chapitre « L'ordinateur quantique » du petit livre « La physique quantique » de John Grebin, qui disait « Un ordinateur quantique avec 1 kilobit de mémoire physique se comporterait comme une machine virtuelle dotée de 10 puissance 1024 bits de mémoire, un nombre qui dépasse de loin le nombre d'atomes dans l'univers visible. » J'ai trouvé ça très cool, mais je n'ai pas vraiment compris ce que ça veut dire. Alors, c'est sûr que, par exemple, si on imagine, ne serait-ce que d'avoir 300 qubits qui font des calculs en parallèle, on arrive effectivement à cette... en fait, on compare des choses qui sont pas du même qui sont pas du même registre. C'est-à-dire que effectivement, quand on dit c'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers visible, ça paraît énorme. Le décalage paraît énorme. Et je sais pas trop ce qu'il avait derrière la tête aussi, qu'il voulait montrer en disant ça, mais moi, je pense qu'il faut aussi revenir justement aux prémices du calcul quantique et de ce qu'a fait David Deutsch, parce que en fait, tout ça découle d'une vision de la réalité qu'a David Deutsch. Si on se ramène en arrière avec cet état de, enfin, l'idée des états superposés. Ça, c'est aussi, ça fait beaucoup débat jusque dans les années 50 chez tous ceux qui, enfin, les différents pères de la mécanique quantique, sur quelle interprétation on peut donner à cette superposition d'états. Donc, il y avait d'un côté ceux qui ont prétendu que c'était comme par exemple Bohr, que c'était non Max Born plutôt, que c'était la probabilité d'obtenir un état, en fait, et il y avait une interférence entre les probabilités d'état, c'est ce qui est admis maintenant, mais auparavant on doutait fort de cette interprétation-là, en se disant, mais comment c'est possible d'avoir un état réel qui interfère avec des états qui ne le sont pas? Cette interprétation ne correspondait pas à la réalité, elle était pratique, mais il fallait aller plus loin. Et dans les années 50, il y a un chercheur qui s'appelle Everett, qui s'est dit, l'objection est valable, on ne peut pas supposer que quelque chose de réel puisse interférer avec des choses, d'autres états qui, eux, ne sont pas réels. Donc, ça veut dire que tous les états sont réels. Mais nous ne voyons qu'un seul état et qu'on appelle réel. Ça signifie donc que les autres états sont réels, mais dans une autre réalité. Et donc, il a évoqué l'idée qu'il puisse y avoir des mondes parallèles, un multivers qui se déployait à chaque instant et les interférences se produisaient entre ces différents mondes parallèles. Et dans les années 80, David Deutsch a repris cette conception-là du monde à son compte et a dit « Oui, c'est vrai, je suis persuadée que les mondes parallèles existent. Et d'ailleurs, je vais le prouver en le démontrant. Et il a imaginé, il a fait une expérience de pensée avec cet algorithme. Enfin, ce qu'on a appelé après le premier algorithme quantique, en fait, était un dispositif, une expérience de pensée qu'avait imaginé David Deutsch pour prouver que les mondes parallèles existaient. Et donc, dans ce problème de la multiplication exponentielle des différents états, elle se retrouve, parce que c'est le gros reproche qu'on fait à cette conception des mondes parallèles, c'est de se dire c'est impossible d'imaginer cette multiplication des mondes qui, elle, expliquerait ce nombre-là qui dépend. Passerait le nombre d'atomes dans l'univers visible, oui, ça dépasse de loin parce que justement il y a une infinité d'univers visibles. Donc moi je vous expose cette théorie-là parce que c'est celle qui était défendue notamment dans l'ouvrage de David Deutsch qui s'appelle The Fabric of Reality, qui était traduit par l'étoffe de la réalité. Personnellement, je me pose pas forcément la question de savoir si je crois ou pas à ce paradigme-là. Je me suis appuyée dessus dans le travail que j'ai fait sur les modes de représentation, tout simplement parce que indépendamment du fait que ce soit crédible ou pas, sachant qu'il y a beaucoup de scientifiques qui n'y croient pas, ça a été quand même une image suffisamment forte pour amener David Deutsch à imaginer son algorithme qui, du coup, a donné naissance à tout un pan de la recherche en informatique. Et donc, tout mon travail de représentation que j'ai fait, justement, sur des objets parallèles, en montrant des nombres complexes, des choses comme ça, mais dans des plans parallèles, ce paradigme-là, pour moi, me semblait important de garder, tout simplement parce que d'un point de vue épistémologique, ça a été la base de l'émergence de ce champ de recherche. Ok. Il y a une autre question que je me posais un petit peu en parallèle de celle-ci, c'est est-ce qu'on comprend le phénomène ou est-ce qu'on observe juste un effet et on essaye de l'exploiter sans vraiment comprendre ce dont il retourne derrière? Donc là, il y a deux attitudes possibles, effectivement. Il y a celle de David Deutsch qui prétend comprendre et qui du coup justement c'est l'inverse, c'est parce qu'il comprend qu'il veut montrer et l'exploiter de cette manière-là. Et puis il y a d'autres attitudes plus antérieures, notamment je pense à l'injonction que nous aurait faite Feynman, que tu citais au début de l'émission là, qui aurait dit mais ça c'était pas forcément lié au calcul, c'était non pas forcément, mais c'était pas lié au calcul quantique, mais à la mécanique quantique en général. Il aurait dit tais-toi et calcule. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire n'essaie pas de trouver de représentation parce que tu vas tomber dans des travers de représentation, ça va te donner une fausse interprétation, etc. Mais la forme mathématique est suffisamment forte pour pouvoir t'amener à l'exploiter. Et c'est vrai que même si on ne comprend pas forcément la représentation de la réalité qui est derrière, ça n'empêche pas d'avoir fabriqué des lasers, des lecteurs DVD, de l'imagerie médicale. Donc voilà, on peut avoir ces deux attitudes-là, soit se dire on a le formalisme, on s'appuie dessus, c'est abstrait et on n'essaie pas d'en trouver des modes de représentation qui nous permettraient de dire qu'on a compris ce dont il s'agissait, etc. Et puis il y a d'autres attitudes qui sont souvent qualifiées de plus folkloriques, où on essaie de trouver une représentation telle que l'a fait David Deutsch. Ok, bon, on va s'en tenir à ça. on saura jamais, en somme. Tu cherches toujours à raconter une jolie histoire. Là, ils ont des formules qui fonctionnent, ils arrivent à prévoir des choses et à modéliser les choses, donc ils ont compris, en fait. Oui, mais souvent les débats, et c'était tout l'enjeu aussi des débats qu'il y avait avant les années 50, parce que, par exemple, maintenant, de se dire quelle est l'interprétation des états superposés, ça fait plus du tout débat. Alors que quand on regarde la littérature, les écrits, quand on regarde, ne serait-ce que dans la partie et le tout de Heisenberg, etc., les prises de bec et de position, les confrontations qu'il y avait, ne serait-ce que sur cette question de l'interprétation, alors même que c'était eux qui ont mis en place les outils mathématiques pour pouvoir manipuler la mécanique quantique, eux-mêmes cherchaient à tout prix une interprétation. Alors je sais pas, peut-être que c'est ce qu'il y a derrière ce mot interprétation qui peut-être, faudrait peut-être le préciser, mais en tout cas, ils cherchaient à trouver une explication qui ne serait pas, qui serait formulée avec des mots et pas de manière mathématique. Et bon, ça maintenant, c'est plus du tout d'actualité, mais à l'époque, ça l'était. C'est pour ça que cette notion de comprendre, c'est plutôt de se représenter. C'est plutôt ça. C'est effectivement, comme tu dis, ils ont compris. Einstein, Heisenberg, Schrödinger, tout ça, ils avaient compris ce qu'ils faisaient, mais ils avaient compris formellement et peut-être que eux l'avaient compris, mais ils ne comprenaient peut-être pas comment transmettre ça, comment l'expliquer, ou je sais pas. C'est dans ce sens-là que je disais. Et même quand on dit tais-toi et calcul, c'est ça, quoi. Tais-toi, parce que c'est plutôt ça. N'essaie pas d'en dire plus que ce qu'en dit le calcul. Ouais. Oh. Non. Si. Moi, je suis absolument convaincu. Et puis, je propose qu'on débatte pas pendant une heure sur cette question spécifique. D'ailleurs, peut-être qu'on. Enfin, je ne sais pas si toi, tu as des obligations après l'émission, puis qu'il faut qu'on enchaîne un peu plus rapidement, ou autrement, nous, on a tout le temps, si jamais on peut continuer au même rythme. Ouais. Je voulais aborder un peu la question de la théorie versus la réalité. Ouais. Je me demandais, on en est où, en fait, concrètement aujourd'hui? Est-ce qu'il existe au moins un calculateur quantique, dans le monde? Et puis, qu'est-ce qu'il sait faire à part 3 fois 5? Ben, en fait, je pense que il y a, enfin comme tu évoquais tout à l'heure, c'est pas forcément des machines universelles, mais des machines dédiées à certaines fonctions. Donc effectivement, il y a eu le premier calculateur là. Il y a l'idée quantique à Genève qui en fait a plusieurs types de produits. Il y en a un qui permet de sécuriser le transfert de données entre différents centres d'hébergement. Cette société fournit des instruments scientifiques aussi et des générateurs de nombres aléatoires pour des jeux. C'est une société qui régulièrement fait des levées de fonds, donc ça va bien pour eux, je pense, et qui propose des produits commercialisables. Mais ce sont pas à proprement parler. Je pense pas que ça revête l'idée d'ordinateur quantique. Sinon, il y a une start-up canadienne qui est plus ancienne, qui s'appelle D-Wave, qui a été créée en 99. Depuis que je m'intéresse à la question, j'ai jamais réussi à savoir ce que faisait D-Wave. Mais c'est une société aussi qui réalise de belles levées de fonds aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a Magic Q aussi, une société qui s'appelle Magic Q. Il y a des initiatives de commercialisation de certaines fonctionnalités, mais je n'ai pas réussi à trouver s'il existait, au-delà des effets d'annonce, de réels ordinateurs quantiques. D'accord. Peut-être juste pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, derrière la société ID Quantique, on retrouve justement Nicolas Gisin, qu'on évoquait, qu'on a reçu dans l'épisode 126 de Podcast Science, et dont on a retrouvé le nom du livre dans l'intervalle, c'est L'impensable hasard. Oui. Et pour faire le lien jusqu'au bout, il nous avait aussi parlé de ce générateur de nombres aléatoires quantiques commercialisé, mais qui en effet, je pense, n'est pas tout à fait un ordinateur au sens où tu le présentais, parce que c'est quelque chose qui utilise ce que justement Gisin appelle le vrai hasard et qui est un peu ce qui vient avant, si j'ai bien compris, les travaux qui sont faits avec l'ordinateur quantique. Ok. Bon, on va avoir des déçus dans la chatroom, je crois. Il y avait pas mal de questions concernant D-Wave. Tant pis. dans les questions pratiques, tu peux peut-être relever le magnifique dessin de Puyo, qui est une vraie question. Je ne sais pas si Sylvie aura une réponse. Ah. Est-ce que les ordinateurs quantiques, quand ils bugueront, sera possible qu'il n'y ait qu'un seul des états superposés qui bug, mais pas tous ? Ça, c'est effectivement une question que je me pose aussi. C'est-à-dire que il y a plusieurs choses. Il y a, est-ce que il y aura juste un état qui bugera et pas les autres? Est-ce que un état bugera, mais par le jeu des interférences, il va s'annuler, ou alors il va s'amplifier? Et comment on peut arrêter le processus? Est-ce que il suffit, comme quand une machine bug, de l'éteindre et de la rallumer, et que voilà. Donc effectivement, là pour le coup, on peut se demander ce qui va se passer. On peut d'autant plus le demander que pour l'instant, il n'y a pas forcément l'informatique classique, on partait du 0, du 1, de portes logiques, les négations, les et, les ou. Et à partir de là, on a pu créer ce qui s'appelle des structures de contrôle pour écrire des programmes. Or là, pour l'instant, on n'a pas ça. L'ordinateur quantique n'existe pas. Il n'y a pas de langage pour adresser ces ordinateurs quantiques, si ce n'est des petites manipulations de portes quantiques. Mais or le bug, souvent, il est lié à une mauvaise manipulation de ces structures de contrôle, ou alors à du non-dit, en fait, on a oublié de mettre des verrous quelque part, et ça, voilà, je sais pas comment ça va se matérialiser dans les ordinateurs quantiques. Ouais, en tout cas, ça promet d'être gratiné, je pense, parce que le bug, quand on y pense, c'est simplement le fait qu'en termes de conception, on n'ait pas réussi à imaginer tous les états possibles à la sortie de l'algorithme. Alors que finalement, on n'a que deux possibilités, des 1 et des 0. Oui. À partir du moment où on a toutes les possibilités qu'offre le qubit, ça va juste devenir hallucinant de prévoir les bugs. Oui, à moins que par des phénomènes naturels, ça simplifie. Enfin, je ne sais pas. Là, j'attends de voir. Sachant que, justement, quand on est en classique, on n'a que du 0 et du 1. Ça fait appel aussi à une autre notion qui est justement la logique des propositions qui est derrière, parce que c'est certes 0 et 1, mais bon, ça c'est Boole qui a développé ça. ça peut être attaché à ce qui s'appelle la logique de proposition, le fait que on peut dire qu'une proposition est vraie ou est fausse. Et d'avoir des superpositions d'états, ça faisait partie aussi de mes interrogations. Je me disais, ça veut dire quoi, une superposition de vrai et de faux? Ça veut pas dire que c'est presque vrai ou presque faux. C'est vraiment une superposition de vrai et de faux. Et quand j'ai relu Les lois de la pensée, à un moment donné, Boulle, enfin, parce que justement le 0 et le 1, c'est pas anodin que ce soit 0 et 1. Il y a tout c'est à partir d'un système d'écriture qu'il arrive à ça. Et il se dit en fait que il pourrait y avoir d'autres valeurs, mais il sait pas lesquelles, etc. Bon. Et je pense que à partir de son travail, on peut imaginer que c'est des valeurs qui seraient ni zéro ni un, mais les deux à la fois. C'est par exemple les paradoxes. Et j'ai du coup pas mal travaillé sur les paradoxes pour voir comment ça se comportait. Et notamment, par exemple, le paradoxe du menteur qui dit « je mens ». Donc, si on imagine qu'il dit vrai, alors du coup, il faut, c'est sûr qu'il ment. Donc, il dit pas la vérité. Donc, ce qu'il dit est faux. Mais si ce qu'il dit est faux, il faut pas croire ce qu'il dit. Or, il dit qu'il ment, etc. Et donc, ce sont des valeurs qui ne sont, par exemple, qui sont zéro, mais pas tout le temps, ou un, mais pas tout le temps. Et du coup, après, j'ai travaillé sur des paradoxes qui seraient à plusieurs menteurs. Donc, l'un dit que l'autre, ce qu'il dit est faux, mais l'autre dit que ce que le troisième dit est vrai, et le troisième dit que ce que le premier est faux. Et regardez comment tout ça au bout de combien de temps, par exemple, ils disent tous vrai. Et à force de scruter ces choses-là, je suis arrivée à alors au début, j'ai créé un truc qui s'appelle la ritournelle des menteurs, hein, parce que à imaginer de manière purement intellectuelle ou sur papier, c'est très rébarbatif et on n'y arrive pas. Et donc j'avais programmé un petit outil pour générer des menteurs. Et ceci dit, ces outils-là étaient rébarbatifs à lire parce qu'on voyait que des lignes, il dit faux, il dit vrai, il dit faux, il dit vrai. Et du coup, j'ai donné une représentation graphique. Et en donnant cette représentation graphique, en fait, ça s'est ramené à une représentation de ce qui s'appelle des groupes cycliques. Et or même des groupes cycliques qui sont des notions qui sont abordées aussi quand on fait du calcul quantique. Et donc, je ne sais pas le lien, je prétends pas faire un lien forcément entre ces différentes choses, mais enfin, je ne sais pas de quelle nature est ce lien et s'il est pertinent, mais en tout cas, ça m'intéressait bien d'essayer d'imaginer que il pouvait y avoir des choses exprimées en quantique qui soient de l'ordre du paradoxe et qu'on puisse les utiliser, qui soient pas forcément du bug. Parce que quand on produit des choses paradoxales sur des ordinateurs classiques, c'est juste pas possible de le faire et il faut éliminer ça d'emblée. Alors que en quantique, peut-être que on peut essayer de faire des choses avec. Enfin, je sais pas. C'est des questions que je pose, que j'ai posées à différentes personnes. Peut-être que ce sont des questions qui sont pas pertinentes dans le cadre du calcul quantique. Mais voilà, c'est aussi une manière d'aborder la question du bug, de se dire est-ce qu'on n'arrive pas à des situations paradoxales en superposant et en se trompant dans la superposition. Ouais, ça promet. Bon, là, on a parlé de bugs, donc d'applications qui ne marchent pas. En termes d'applications qui marcheraient, outre la cryptographie, ce serait quoi, par exemple, des applications typiques pour des calculateurs quantiques? Ben justement, tout ce qui concerne les calculs très haute performance. Donc souvent c'est des calculs qui sont mis en jeu dans la météo, dans les transactions bancaires, enfin au-delà de tout ce qui concerne la cryptographie. Donc peut-être que là il y aurait un marché possible, sachant qu'il n'existe pas pour l'instant. Sachant que pour l'instant, il n'est pas évident à avoir, même si des fonds d'investissement prétendent qu'il y a de l'argent à se faire là-dedans. Mais surtout, je pense que l'intérêt, c'est peut-être revenir à ce qu'avait énoncé Feynman dans les années 80, que le principal intérêt de l'ordinateur quantique serait de simuler des systèmes quantiques et de vérifier des hypothèses de la mécanique quantique. Donc, au fond, là, on s'engage aussi dans des voies utilitaires sur comment crypter des données, comment faire du calcul haute performance. Et peut-être qu'au final, l'intérêt de l'ordinateur quantique sera conforme à ce qu'en avait annoncé Feynman, qui est le fait de simuler des systèmes quantiques. Ok. Et puis, ça représenterait que des avantages par rapport à l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui, ou est-ce qu'il y aurait aussi des limitations liées au calculateur quantique ? Les limitations, tout à l'heure j'en évoquais une là, avec le fait que il y a des communautés de hackers quantiques qui prétendent voir le jour. Sur les calculs, autant les calculs qui nécessitent beaucoup de ressources, comme par exemple la factorisation de nombres premiers, etc., on peut l'imaginer. Ça puisse avoir que le calcul quantique puisse apporter une amélioration dans ce type de calcul-là. Autant en classique, il y a d'autres calculs qui eux ne nécessitent pas forcément, qu'on peut résoudre très vite. Et dans ce cas-là, peut-être que la solution quantique n'a pas forcément plus d'intérêt. D'autant que effectivement on passe le calculateur tel que j'imagine qu'il arriverait dans les prochaines années, s'il y arrive, passerait beaucoup de temps et de ressources à gérer sa mémoire, à corriger les erreurs, et donc il y aurait peut-être là pas forcément un avantage à passer sur le quantique, mais moi, l'avantage que j'y vois, c'est que ça permet tout de même un dialogue entre la mise en œuvre, en fait, entre la technologie et la physique fondamentale. Je pense que la recherche peut y gagner, la recherche fondamentale peut y gagner en éprouvant des hypothèses, et que la technique peut essayer aussi de faire de la recherche appliqué je sais pas, pour l'instant je n'ai que cette idée du calcul de performance et de la cryptographie, mais voilà, peut-être que il y aura d'autres voies qui s'ouvriront. En tout cas, je pense que la recherche en elle-même peut se montrer assez fertile. Ok. Après, j'ai une question un peu plus générale. Donc, on a parlé des calculateurs quantiques. Est-ce qu'on peut parler carrément d'informatique quantique ? C'est-à-dire que l'informatique, c'est pas juste les ordinateurs. Il y a toute la couche software aussi, la couche logicielle. Est-ce qu'il existe des logiciels quantiques ? Enfin, t'as dit tout à l'heure qu'il n'en existait pas encore, mais est-ce qu'il en existera ? Et si oui, en quoi ça consiste ? Alors, pour l'instant, donc. Comme l'ordinateur quantique n'existe pas, il n'y a pas de soft quantique, mais il y a des logiciels qui permettent de manipuler du calcul quantique sur des machines classiques. Et ces logiciels, ils datent un peu là pour l'instant. Il y a par exemple JQuantum, qui émane souvent d'universités et qui représente les calculs quantiques sous forme de circuits. Donc c'est une forme graphique sous forme de circuit. Ou alors il y a un produit japonais qui s'appelle Quantum Computer Simulator. Donc il y a ça. Il y a aussi des logiciels, un autre simulateur qui lui représente les calculs mais sur les phénomènes physiques qui sont derrière, donc par exemple le trajet d'un photon, comment il est dévié par un miroir, etc. Et puis il y en a un qui s'appelle LangQ, qui est un langage de script qui prétend manipuler des principes de calcul quantique, mais en fait c'est du calcul classique. Et le problème, c'est d'avoir d'une part une représentation de ce qui se passe, et puis de la même manière que dans le classique on on avait le et, le ou, le non, la négation et tout, quantique, il n'y a pas de structure de contrôle, il n'y a pas de logique de proposition qui est proposée justement derrière ça. Donc pour l'instant, on en est à faire du calcul de nombres, mais pas forcément de propositions. Donc dès lors qu'on aura un calcul de propositions, enfin des recherches là-dessus, je pense qu'on pourra imaginer un logiciel. Mais pour l'instant, moi, c'était ce que j'avais essayé de faire justement, c'est d'essayer de me demander quelle serait la manière de programmer. Et donc, je me suis engagée naturellement vers la représentation graphique des composants mathématiques, des matrices, des choses comme ça, en jouant aussi avec de la réalité augmentée. Mais au final, je me retrouve dans un travers qui est que par le graphisme, on ne peut pas tout exprimer. Et du coup, il faudrait que je puisse me rabattre vers un langage de script. Mais comme j'ignore les structures de contrôle qu'il faudrait mettre en œuvre et que j'ai pu travailler dessus, je suis pour l'instant dans l'impasse là-dessus, et je pense que c'est une question fondamentale, parce que pour l'instant on aborde la question du calcul quantique, calcul de nombres, on l'aborde par le biais de physiquement quels sont les comment on va construire ça, mais la partie logicielle, quels sont les outils logiques pour manipuler ça, je n'étais pas trouvé. On avait une question de Johan, parce qu'on a essayé de crowdsourcer un petit peu les questions, sachant que on comprendrait pas forcément ce qu'on allait demander. Donc il avait posé cette question aussi des manières spécifiques de coder pour des ordinateurs quantiques. Donc ça, on l'a vu. Mais il se demandait, il pensait par exemple aux différences qu'il existe entre la programmation sur un cœur unique et la programmation en parallèle en informatique classique. Il se demandait si cette analogie a un sens pour la programmation quantique, entre guillemets. Mais je pense qu'il faut commencer par s'appuyer là-dessus. Et moi, c'était un peu là-dessus que je voulais... à partir du moment où je voulais basculer d'un mode graphique à un mode script, j'avais téléchargé un logiciel qui s'appelle R pour pouvoir faire du calcul en mode parallèle et me dire quelles sont les limites et quelles sont les subtilités qui feraient que on n'est pas tout à fait dans le même paradigme, parce que est-ce qu'un calcul d'une même fonction dans un état de superposition, est-ce que et sachant qu'il y a une interférence, est-ce que ça on peut le représenter par des fonctions qui existent déjà sur du calcul parallèle. Donc la question est posée et je me la pose aussi, en fait. Je pense, moi, qu'il doit y avoir une nuance, mais je la connais pas. Mais je pressens qu'il faut aller par là, il faut commencer. Je pense que c'est le bon... c'est par là qu'il faut prendre la question, mais je n'ai pas la réponse. Bon, on l'aura probablement en quelques millisecondes dès qu'on aura l'ordinateur quantique pour... moi, je me posais une question de Béotien. Est-ce qu'un ordinateur quantique peut diviser par zéro ? Alors là-dessus, c'est pas forcément par là que. Enfin, je peux pas répondre forcément à cette question-là. Ce que je peux dire, c'est que il y a des opérations qui sont pas possibles en classique et qui sont possibles en quantique, notamment par exemple le fait que on puisse avoir la racine carrée d'une négation. Donc si on reprend par exemple la sphère de Bloch là qui est sur le site de Podcast Science là, c'est une sphère qui représente un qubit, ça a un mode de représentation, c'est pas celui que moi j'ai adopté, mais c'en est un qui est très répandu, et qui dit que par exemple le 1 il est au nord et le 0 il est au sud. Et si on se place sur une longitude de données, par exemple, et qu'on fait faire, imaginons qu'on soit en 1, et qu'on fasse faire une rotation de 180 degrés, forcément, on se retrouve en 0. Donc, cette rotation de 180 degrés, elle transforme le 1 en 0 et le 0 en 1. Donc, on peut dire que cette rotation correspond à une négation. En revanche, si on fait une rotation de 90 degrés, on va se retrouver à un endroit qui est entre le 0 et le 1. Et imaginons qu'on mesure l'état de la particule à ce moment-là, ben on aurait 50% de chance d'avoir 1 et 50% de chance d'avoir 0. Et cette rotation de 90 degrés, si on la répète, eh bien le 1 deviendra le 0 et du coup on aura une négation. Mais cette opération-là, c'est en la répétant deux fois, c'est-à-dire en multipliant par elle-même, qu'on obtient la négation. De fait, l'opération elle-même, c'est la racine carrée de la négation, en fait. Et ça, on peut pas autant de dire ce qui est vrai devient faux, ce qui est faux devient vrai à un correspondant logique, autant cette racine carrée de la négation, dans la logique des propositions, elle n'a pas d'équivalent. C'est pour ça que je fais le lien avec le divisé par zéro, parce que divisé par zéro, on n'arrive pas, enfin, à part de se dire que c'est l'infini, mais on ne voit pas comment se le représenter. Et voilà. Dans le même ordre d'idée, je me demandais, donc pas par rapport à la division par zéro, mais à ce qui fait l'informatique quantique. Dans les ordinateurs qu'on connaît aujourd'hui, les bits ne sont pas seulement processés, ils sont aussi stockés. On utilise des disques durs, ils sont transmis via des réseaux comme l'Internet. Et je me demandais, est-ce que c'est la même chose avec les qubits? Est-ce qu'on va aussi les stocker et les transmettre? Effectivement, les stocker... Pour stocker un bit, historiquement, on perforait des cartes avec soit un trou, soit pas trou, etc., qui permettait dans la matière d'inscrire la donnée. Le problème, par exemple, quand on utilise des photons, c'est que c'est le temps de propagation de la lumière. Le photon est doté d'une vitesse, et donc pour pouvoir le stocker, par exemple, il faudrait dans une fibre optique de 15 km, on stockerait l'information pendant 70 nanosecondes. Donc ça, c'est pas possible, ça pose des inconvénients. On peut pas imaginer avoir des longueurs de fibre optique aussi longues, le temps est pas maîtrisable, etc. Et donc ce qui a l'air d'être fait, mais j'en parle n'étant pas spécialiste du domaine, c'est de faire en sorte que d'échanger les états superposés entre la lumière et la matière. C'est-à-dire que un état superposé de lumière, on va essayer de le stocker dans des sous-niveaux d'énergie du niveau fondamental d'un atome, et faire en sorte que l'atome reste dans cette superposition de deux énergies, et puis à un moment donné essayer de restituer le photon dans son état superposé. Et donc ce sont des stratégies où on transfère les états quantiques à l'aide d'un laser, ils appellent ça des lasers auxiliaires, des choses comme ça, et de fait on arrive aussi du coup à fabriquer ce qu'ils appellent de la lumière lente. Enfin, ce sont des stratégies de transfert d'état quantique de la lumière dans de la matière et vice versa. Et c'est ce que j'ai pu lire de la manière de stocker l'information quantique dans la matière. Ok. Je suis pas sûr d'y voir beaucoup plus clair, mais je pense que dans quelques années, ça semblera totalement évident. Sinon, sur la recherche, qui est-ce qui la finance aujourd'hui? Alors, il y a à la fois les privés et le public. Donc, parmi les privés, par exemple, Shor faisait partie de la société AT&T et qui finance beaucoup de recherches autour de ce sujet-là. IBM aussi, on l'a vu, elle avec celui qui a créé le prototype en fait de calcul de Shor. Bennett aussi, qui est une grande figure du calcul quantique, a travaillé chez IBM. Voilà. Il y a HP, Toshiba, Google, donc il y a beaucoup de privés qui visiblement payent pour voir et font de la recherche appliquée, sachant qu'il y a des fonds d'investissement, il y en a un qui s'appelle Q-Wave Capital, qui lui s'intéresse plus au marché de la communication cryptée. Je pense que c'est QF qui justement auprès de QF que Idée Quantique a fait ses levées de fonds et qui a évalué à 20 milliards de dollars le marché de la communication cryptée. Mais par ailleurs, il y a aussi le public à travers notamment les universités. En France, il y a quelques universités qui travaillent sur le sujet. Il y a l'Institut d'optique de Palaiseau. Il y a des projets européens comme un projet qui permet d'envoyer des clés quantiques sur un réseau commercial de communication, voilà, le CNRS, Orsay, mais sur et justement les États mettent pas mal d'argent sur la table en général. Par exemple, aux USA, il y a 80 millions d'euros qui sont dévolus à ce type de recherche, mais 8 millions seulement pour l'Europe. J'ai vu qu'au Japon, il y avait à peu près 25 millions aussi, au Canada 12 millions. J'ai pas réussi à trouver les chiffres sur la France. Je sais pas s'il y a d'équivalent d'institutions comme par exemple aux Pays-Bas, il y a un centre de recherche qui s'appelle QTech dédié à l'élaboration de l'ordinateur quantique. Ah ouais, donc, carrément. Voilà. Et je crois qu'on a fait une loi pour interdire la superposition à plus d'un État. Ah d'accord, ok. Ah c'est pour ça. ceci dit, par exemple à Paris, il y a le PCQC, Paris Center for Quantum Computing, et qui est une émanation de chercheurs de différents centres de recherche qui se mobilisent justement pour créer des événements et puis faire connaître ce domaine de recherche. Ok, on avait encore une question qui a été crowdsourcée elle aussi, c'est de nouveau Joanne Mazoyer, qui nous indiquait qu'en 1975, Moore a prédit que le nombre de transistors des microprocesseurs sur une puce de silicium double tous les 2 ans à peu près. Donc c'est ce que tu nous disais en début d'émission, hein, 18 mois plus tôt je crois. Ouais. Dont découle une augmentation exponentielle de la complexité des ordinateurs. Cette loi est empirique, mais s'est avérée relativement exacte depuis son énoncé. Est-ce qu'il existe une transposition de la loi de Moore pour les ordinateurs quantiques ? Pour l'instant, comme l'ordinateur quantique n'existe pas, qu'il n'est pas encore élaboré, je pense qu'on ne peut pas avoir de tels retours empiriques sur le devenir et puis la progression de la fabrication des ordinateurs quantiques. Donc du coup, je peux peut-être essayer de donner une réponse sur la partie théorique. Tout part d'un modèle mathématique où donc on a des vecteurs avec des coefficients, on ajoute ça, on manipule des matrices qu'on ajoute, et donc c'est un modèle qui est linéaire, et il n'y a pas dans ce modèle-là de termes non linéaires. Alors physiquement, je ne sais pas trop à quoi ça pourrait correspondre, mais ce que je sais, c'est que ça perturberait enfin tout ce qui a été bâti autour du calcul quantique, en fait, serait pas forcément valable. Donc, peut-être que la limite des ordinateurs quantiques, peut-être c'est au fur et à mesure qu'il y aura de la recherche sur le domaine, peut-être que à un moment donné, les outils mathématiques permettront plus de pouvoir prétendre de construire des ordinateurs quantiques. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il y a une limite à ce niveau-là. Et puis surtout, on peut aussi se tourner vers les gens qui sont très sceptiques vis-à-vis de la fabrication des ordinateurs quantiques, donc qui s'intéressent au calcul quantique, mais sans prétendre fabriquer des ordinateurs quantiques, notamment Serge Haroche, qui un peu avant les années 2000 disait que plutôt que qu'en fait ce domaine-là de recherche ne devrait pas nous apprendre à comment on construit un ordinateur, mais pourquoi c'est impossible de le construire un tel ordinateur. Donc voilà, tout l'enjeu, c'est de savoir si ces ordinateurs-là seront construits ou pas. Bon, maintenant, il faut regarder. Hein, il y a des effets d'annonce en général. Alors peut-être que, correspondant à ces 18 mois ou ces 2 ans, moi, je dirais que les effets d'annonce, ils sont à cette fréquence-là. Donc, tous les 18 mois, on annonce que, ça y est, on a fait un pas de géant vers la fabrication du calculateur quantique. Peut-être. C'est ça la réponse à la question. Ok. C'est... Tu t'es bien débrouillé. Merci beaucoup. On a eu plein de questions d'auditeurs dans la chatroom, ouais, qui étaient vraiment inspirées par le sujet. Irène, je crois que tu as réussi à les relever. Oui, on en a eu beaucoup, en fait, effectivement. Elles sont plus ou moins techniques. On commence maintenant allons-y. Et puis, on va peut-être essayer de traiter ça en mode question-réponse assez rapide, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal. Oui. On va commencer par David qui au moment où tu prenais l'exemple, d'ailleurs j'ai bien aimé sur les cartes à jouer, il y a David Loubero qui demandait en mécanique quantique, ça s'appelle la mesure conjointe, c'est ça ? Ouais. Ouais, c'est ça ? Oui, peut-être. Enfin, je pourrais pas l'affirmer. Bon, d'accord. C'est-à-dire que, en fait, c'est un domaine. Donc, comme je l'ai dit, moi, je débarquais un peu là-dedans. Faut savoir que je l'ai arrêté. J'ai arrêté ces recherches pour des raisons de moyens, en fait, parce que j'avais fabriqué mes outils. À un moment donné, j'avais besoin de plus de pour pouvoir avancer de puissance de calcul et de travailler sur des grilles de calcul. Sauf que d'un point de vue administratif, c'était pas possible puisque je ne suis pas académique, je ne suis pas universitaire. Donc même si je suis accueilli avec beaucoup de bienveillance par les chercheurs, ils peuvent pas m'ouvrir les portes des labos pour que je puisse venir bidouiller sur leur grille de calcul. Et j'ai essayé de chercher des financements, mais bon, je me suis trouvée un peu bloquée à cause de ça. Et de fait, j'ai arrêté donc il y a 4 ans. Donc par exemple, pour des questions, peut-être qu'il y a 4 ans j'aurais eu une réponse à ça. Je vois bien de quoi il s'agit, mais je voudrais pas l'affirmer. D'accord. Alors ça, c'est une question, plutôt un avis plutôt personnel, où David demandait « Est-ce que Google a acheté D-Wave pour casser les codes de cartes bancaires et dominer le monde ?» Qu'est-ce que tu en penses, Sylvie ? Moi, je pense que Google achète tout ce qui lui permet de toucher à des domaines divers et variés, et que donc, c'est dans cette optique-là, il s'est dit « L'acteur qui fait référence d'une manière internationale, c'est D-Wave, donc on va acheter D-Wave. » De la même manière qu'on achète Oculus, de la même manière qu'on achète. Enfin voilà, c'est. Je pense que ça fait partie de la stratégie de Google, ouais, d'avoir une emprise sur tout domaine d'activité. Ensuite, on avait une question de Fred qui nous dit question simple de la part d'un informaticien qui a l'habitude de programmer en binaire. Comment programme-t-on l'opération if then else sur un ordinateur quantique? Et ben voilà, c'est ce que j'appelais les structures de contrôle. Il y en a deux enfin, si je schématise en informatique classique, c'est le if et puis c'est la boucle, la répétition, l'itération. Et ces structures de contrôle-là, qui correspondent à de la logique de proposition, n'ont pas pour l'instant, enfin, il y a le, il y a le C-note, enfin ce qu'ils appellent le C-note en quantique, c'est-à-dire une négation contrôlée, des choses comme ça, mais ce n'est pas formalisé sous la forme d'une structure de contrôle du type if then else. On pourrait imaginer de if parallèle ou if superposition all, enfin c'était ce type de conjecture que je me faisais en attaquant le sujet, mais voilà, c'est tout le travail à faire sur les structures de contrôle en quantique, indépendamment des circuits qui représenteraient l'ordinateur quantique. David qui nous demande ensuite, est-ce qu'un ordinateur quantique, ça sait faire autre chose que décomposer des grands nombres? Oui, ça c'est par exemple, il y a eu un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Groover, qui permet de faire des recherches dans des bases de données pas du tout structurées. Donc par exemple, faut imaginer un annuaire téléphonique et on a le numéro de téléphone, mais on n'a pas, on recherche le nom. Et donc, comme l'annuaire n'est pas trié dans l'ordre des téléphones, mais plutôt par ordre alphabétique, on va supposer ça. Donc ce sont des algorithmes qui là aussi jouent sur les intrications, sur les interférences pour accélérer la probabilité d'arriver au bon résultat. Et il y a aussi un autre dans la série du même auteur, ce qui s'appelle les marches aléatoires. Et l'exemple qu'on donne, c'est par exemple un homme qui vit dans un village. Dans le village, il y a un réseau de rues de quadrillage, par exemple 5 par 5 rues, et les maisons sont à l'intersection de ce quadrillage. Il a sa maison à lui, et puis à un autre endroit, dans la grille, il y a le bar. Il passe la soirée dans le bar, il est complètement ivre, et il doit rentrer chez lui. Donc, de fait, il essaie toutes les maisons, en gros, avant de trouver la sienne, et à chaque fois qu'il essaie une maison, il ne sait plus d'où il est venu, et donc il fait tout ça au hasard. Et ben, on montre qu'en classique, le nombre de tentatives qu'il doit faire pour arriver chez lui, il doit en faire 25, alors que en quantique, si à chaque fois on superpose les états probables de qu'il trouve sa maison à partir de là où il est, il y a que cinq tentatives, il arrive chez lui. Donc bon, ça c'est une petite histoire pour illustrer un peu le type de gain qu'on peut faire, mais c'est aussi une autre voie, ça s'appelle une marche aléatoire. C'est des voies de recherche, et je pense que Google, par exemple, ça c'est ce type de choses qui pourraient l'intéresser. Oui, c'est intéressant, c'est un bon exemple. C'est vrai que je comprends bien comme ça, ouais. C'est qu'il soit bourré ou que qu'il touche non, non, mais non, non, mais c'est vrai qu'on comprend mieux l'intérêt du quantique quand ouais. Vu comme ça, effectivement. Ouais. De manière générale, il existe un théorème de l'ivrogne qui se fatigue. S'il se fatigue suffisamment vite, on peut prouver qu'il arrive quelque part. Mais on ne sait pas forcément où il arrive. Par contre, s'il se fatigue pas suffisamment vite, il peut aller aussi loin que possible. Ah oui. Voilà, voilà. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution, mais bon. Au final, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux, mais bon. Et je pense que c'est la question de David qui suit, et ça, elle me semble liée à ça. Il demande comment on compare un ordinateur quantique et un ordinateur classique. Et il précise en termes de mégahertz. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'il veut dire au point de vue performance, au point de vue vitesse. Je ne suis pas trop sûre, mais... En fait, pour l'instant, on le compare effectivement en nombre d'instructions. Alors, moi, j'ai des chiffres plutôt liés à ce qui s'appelle la complexité. Donc, c'est indépendamment des fréquences de calcul. Mais il me semble avoir lu que, au final, un ordinateur quantique pourrait atteindre 1 ou 2 MHz, je crois, mais que ça suffirait largement pour faire des calculs, puisqu'il est fait en parallèle. Donc, voilà, c'est pas. Du coup, la fréquence. Sa fréquence couplée au nombre de qubits qui pourrait déterminer sa véritable vitesse de calcul. Ensuite, il y avait Maxence qui nous demandait, sait-on réaliser toutes les opérations d'un processeur avec un ordinateur quantique? Si oui, l'ordinateur quantique est-il donc juste un problème technique et plus théorique? C'est un problème théorique. Il y a des opérations, enfin il y a des problèmes qui, eux, par exemple multiplier deux nombres, etc. Il y a aucun intérêt de le faire. Il y aura pas plus d'intérêt de le faire avec un ordinateur quantique qu'avec un ordinateur classique. Normalement, à terme, un ordinateur quantique doit pouvoir faire ce que fait un ordinateur classique et doit pouvoir optimiser certains problèmes, je pense. D'accord. Ensuite, Julie nous demande, je ne comprends pas comment on peut intercepter un message transmis par le biais de deux particules corrélées. Le principe de non-localité l'empêche, non ? Je pense que là, il y a deux principes de communication. Il y en a un qui est, je transmets des qubits dans une certaine base, mais sans imaginer qu'il soit que les particules soient corrélées. Je pense que dans corrélées, elle pense intriquer. Enfin bon, ça c'est le protocole qui s'appelle Bennett et Brassard là, où on envoie des photons et puis on demande, Alice envoie ses photons et demande à Bob de les lire. Mais les photons, ils sont pas du tout intriqués. Là où ils sont intriqués, c'est dans le cas de, par exemple, de la téléportation. Et j'ai pas abordé le cas où on intercepterait un message dans le cas de la téléportation, parce qu'en fait, effectivement, la question, on peut pas intercepter un message dans le cas de la téléportation, puisque une particule est corrélée à une autre qui est intriquée à un endroit, par exemple à Paris. Et puis il y a un autre un récepteur qui lui est à Rome et qui reçoit l'info par le biais de cette intrication. Entre les deux, il y a rien, il y a pas de canal de communication, il y a pas d'information qui transite. Et donc là dans le fait de pouvoir intercepter un message, je pense que, ou peut-être je me suis mal exprimée, quand j'ai décrit le fait d'envoyer un message et puis Eve qui intercepte, qui espionne, c'était pas dans le cas d'une téléportation, c'était dans le cas d'une communication simple. D'accord. Et au fait, c'était une question de Jojo, pas de Julie. D'accord. En fait. Ensuite, on a David qui nous demande combien de qubits on arrive à avoir en même temps sur le long terme. Alors, ça c'est aussi un problème de fabrication. Par exemple, quand on utilise des ions piégés, on va en mettre plusieurs. Plus on en met, plus on accroît la probabilité justement de que ça se qu'il y ait une décohérence parce qu'il y aura trop d'interactions des particules entre elles. Et de fait, je crois savoir que on fabrique du coup des registres limités avec un nombre limité d'ions qui vont interagir, se mettre en état de superposition, un autre ailleurs, et puis après on essaie de coupler ça. Mais effectivement, je saurais pas donner quantifier le nombre d'ions qui permettrait d'avoir une chaîne maximale avec une décohérence minimale. Je sais que ça pose un problème, que plus on rajoute de particules, plus la probabilité d'avoir un temps de décohérence, enfin plus la décohérence est rapide. Alors toujours une question de David, c'était quand on parlait d'Everett et de Dutch. Il nous dit, il n'y a pas aussi une histoire qu'il y a autant de monde que d'états probables, mais qu'en fait ça ne prend pas en compte les probabilités d'apparition. Je crois que c'était une des failles de l'interprétation d'Everett que Dutch a l'air d'avoir repris, si je comprends bien. Oui, et c'est d'ailleurs ce qui est reproché, c'est-à-dire que du coup, ça ne simplifie pas, parce qu'en général, quand on adopte une nouvelle, un nouveau paradigme, il faut qu'il y ait un gain de simplicité. Donc là, le gain, c'est de se dire, bon, effectivement, on parle de réalité, ça permet d'affirmer que une particule peut interagir avec un autre état qui lui est réel. Donc ça permet de conforter cette certitude que la réalité, ce mot réalité signifie quelque chose. Mais le problème, c'est justement tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que ça complexifie énormément les représentations représentation. Et du coup, c'est pas, enfin, c'est ça qui est reproché à ce type de, à ce type de représentation. D'accord. C'est que ça simplifie d'un côté, mais pour en fait démultiplier les complications de l'autre. Donc. D'accord. Maxence ensuite nous demande, enfin nous fait la remarque que pour le générateur de nombres purement aléatoires, il n'y a pas besoin d'ordinateur quantique. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il n'y a pas besoin d'ordinateur quantique, il y a besoin de mécanique quantique. Et il y a besoin d'être appareillé pour le faire. Et je pense que idée quantique, les générateurs, ils les vendent à, je sais pas, 2000 euros, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est pas un ordinateur, c'est un dispositif qui émet un nombre purement aléatoire. Mmh. Ah non, là, la question c'était, indépendamment de ça, il n'y a pas besoin, pour avoir un nombre purement aléatoire, on peut le faire sur un ordinateur classique, c'est ça? Je pense. C'est peut-être ça, ouais. Oui. Alors, sauf que d'une part, je pense que les organismes de jeu qui commandent ce type de dispositif, leur intérêt, c'est d'être sûr qu'il n'y a pas de martingale et pas de défaut dans le dispositif qu'ils achètent pour générer un nombre aléatoire. Je pense que c'est ça l'intérêt, c'est de dire que physiquement, on est sûr que ce sont les lois de la nature qui garantissent un nombre aléatoire. Alors que s'ils prenaient un ordinateur classique, bon, je sais pas, peut-être qu'il y aurait des biais. Enfin, faudrait savoir les arguments qu'utilisent les quantiques pour vendre leur générateur. En fait, avec un ordinateur classique, c'est impossible de faire un parfait hasard. Donc après, pour voir la différence entre un hasard parfait et le hasard que génère un bon algorithme de hasard classique, faut y aller, quoi. C'est pas non plus simplissime, mais théoriquement, le hasard que génère un ordinateur, ce n'est pas un vrai hasard au sens où on l'entend. Donc si on veut vraiment un hasard parfait, c'est pour ça qu'on peut s'orienter vers des solutions type quantique qui, au-delà de respecter les lois de la nature et d'avoir ce dont tu parlais, a aussi, au moins du point de vue modélisation physique qu'on entend, une notion de hasard intrinsèque qui est plus forte que le hasard simulé par un ordinateur, qui utilise des choses diverses et variées, du genre la date, du genre l'heure avec les secondes exactes, du genre le mouvement de la souris de l'utilisateur, etc. Alors, toujours David qui nous dit « Un ordinateur quantique permet de faire des machines de Turing. » Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, honnêtement, un Turing, une machine de Turing. Il faudrait que je me replonge là-dedans. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur les machines de Turing quantiques. Donc, je ne suis pas suffisamment au fait pour décrire ce que c'est. Mais visiblement, il y aurait une nuance entre les machines de Turing et les machines de Turing quantiques. Mais je ne peux pas en dire plus, malheureusement. Je ne peux pas répondre à cette question. Ça fera un devoir pour David. Pour David Loureiro. Voilà. Exactement. Alors ensuite, il y a Kiyoku57 qui nous demande « Est-ce que l'ordinateur quantique trouve des applications dans la recherche sur l'intelligence artificielle ?» Pas que je sache. En tout cas, ce n'est pas du tout l'axe de recherche actuelle. Les applications, elles sont plus pour l'instant liées au calcul. Et justement, à comment on formule, quelle logique on va mettre derrière, et avant de pouvoir aborder des questions telles que l'intelligence artificielle. En tout cas, les chercheurs du domaine du calcul quantique ne sont pas du tout les mêmes que ceux de la recherche sur l'intelligence artificielle. D'accord. Alors, il y avait encore David qui nous disait « Il faut oublier les ordinateurs numériques comme ceux que l'on a, c'est de la configuration à mon avis. Le bon équivalent, c'est vraiment les ordinateurs analogiques avec des résistances, des condos, des choses comme ça des années 50. » Enfin, c'est sûr que, par exemple, le mode de représentation sous forme de circuit quantique rappelle beaucoup ce qu'on faisait dans les années 50, ça c'est sûr. Donc, il y a une parenté, peut-être une parenté de démarche actuelle. C'est peut-être ça qui l'a ressenti. En fait, il y a une question aussi de Kiyoku57 qui nous demande « Est-ce que la loi de Moore est encore vérifiée de nos jours ?» Oui, visiblement. Enfin, j'ai pas vu de. En tout cas, c'est toujours le. C'est toujours un argument pour arguer du fait qu'il faut justement se diriger vers des recherches et la fabrication du calculateur quantique. Donc, faudrait qu'on vérifie les derniers chiffres, mais je les ai pas vérifiés. Mais aux dernières nouvelles, j'ai pas entendu dire qu'elle était remise en cause. Une dernière question de Puyo qui nous demandait comment fonctionnera le spam quantique. Eh bien, je me penche sur la question. je sais pas. Je sais que là, par exemple, justement, ce qu'avaient fait les hackers suédois peut s'apparenter à une technique de spam, c'est-à-dire qu'on inonde Bob de messages non désirés et voilà quoi. Donc c'est une première amorce et d'accord. Nous allons observer. Mais c'est très très intéressant. Moi j'ai toujours trouvé ça très intéressant. À la fois les démarches pour établir un système, mettre en place un dispositif et les détournements. Donc quand ils sont pas trop malveillants, c'est intéressant aussi de les observer parce que ils disent beaucoup de choses de ce qu'on n'a pas prévu, des garde-fous qu'on doit mettre. Voilà. D'autant que, quitte à faire une ouverture comme on est sur la fin, tu parles là des hackers, on parlait des hackers entre guillemets négatifs qui vont aller pirater le système ou l'endommager ou le rendre inutile. Mais en fait, j'ai l'impression que la façon dont est fabriqué l'ordinateur quantique, c'est justement des bidouilleurs qui ont utilisé plein de choses de la mécanique quantique, etc., et qui décident d'en faire un calculateur, qui utilisent plein de choses qu'on pouvait penser à des moments compliqués ou à d'autres moments des défauts, et qui finalement l'utilisent pour en faire un calculateur. Enfin, ça fait vraiment penser à cette philosophie hacker dans le sens plus positif. Oui, probablement, oui. Parce qu'en fait, la nécessité de... au début, la nécessité d'avoir un ordinateur quantique ne s'imposait pas. Et la démarche de départ, c'était on va éprouver ça, on va le tester. Le fait d'implémenter, et c'est pour ça que je pense le domaine du calcul quantique est très très mathématique. Il est resté très longtemps dans ce domaine-là, c'est que c'est un domaine de recherche qui est très très intéressant pour éprouver des concepts, etc., et qui ne nécessite pas forcément d'une implémentation physique. Or, la question de son implémentation physique, elle est intéressante pour des gens comme moi se demandent, qu'est-ce qui va se passer un peu dans le mode expérimental. Et le fait de construire un ordinateur, d'éprouver ce qui a été montré en théorie, c'est très très intéressant à observer aussi. Quand bien même, après, je comprends bien les détracteurs qui disent on n'y arrivera pas, ça sert à rien, c'est pas intéressant aussi pour d'autres aspects, pour les aspects théoriques, c'est pas forcément très très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un peu le détournement qu'on peut en faire, positif, quoi, les tests, ce qu'on veut tester, par quoi on va se laisser surprendre, ce qui va être mis en question. Moi, j'avais une question un peu plus personnelle. Il me semble qu'il n'y a quand même pas beaucoup de femmes dans ce domaine. Ouais. Est-ce que tu viens d'une famille de scientifiques ou comment tu es tombée dedans dans cet univers-là? Alors, de femmes, alors, par exemple, dans les chercheurs que j'ai rencontrés, il y a la parité, en fait. Il se trouve comme ça. Cet univers du calcul quantique. Il se trouve que dans l'informatique, là tu as raison, on est peu de femmes. Je fais pas du tout partie de famille de scientifiques. J'ai suivi une voie scientifique par goût, mais qui n'a pas été héritée d'un contexte familial qui pouvait susciter des vocations scientifiques. qui dit ça m'a toujours passionné, la science, et la manière dont je l'exerce, au départ c'est par l'informatique, mais il y a différents domaines qui m'intéressent, et je m'y intéresse, j'aime bien la figure de l'amateur que prône Bernard Stiegler, l'amateur éclairé, enfin, c'est-à-dire je n'ai aucune prétention, c'est pour ça que je ne publie pas, je ne fais pas de recherche académique, mais j'aime bien ce type de savoir. Donc, après, quant à savoir pourquoi il y a peu de femmes, c'est tout un mode de représentation sociale. Le fait qu'on n'oriente pas les filles s'auto-inhibent dans ce type de métier. Après, il y a tout un. On traîne des préjugés, des stéréotypes incroyables. Ouais. Ouais, ouais. On va pas en faire un programme féministe ici, mais est-ce que tu as parfois des problèmes pour t'imposer justement en tant que femme? Non, jamais. Super. Alors ça, c'est assez particulier aussi, c'est que je constate, c'est-à-dire que d'un point de vue factuel, je sais que la représentation des femmes, par exemple dans l'enseignement supérieur, elle est vraiment, plus on va dans l'enseignement supérieur, moins dans les domaines scientifiques, ou par exemple en informatique, il y a maximum 25% de femmes. Ceci dit, moi, dans ma pratique professionnelle, je n'ai jamais ressenti ça, mais peut-être aussi à cause d'une manière d'être, d'une disposition qui est que moi-même je n'y pense pas, c'est-à-dire je ne pense pas à qui j'ai en face de moi, si c'est un homme ou une femme, et de fait peut-être que moi-même là pour le coup, si par exemple il y a des résistances ou un scepticisme, je le mettrais pas sur le compte du fait que je suis une femme, je le mettrais sur le compte du fait que je n'ai pas réussi à convaincre la personne, et résultat des courses, j'ai vraiment traversé ces années-là sans vraiment ressentir en aucune manière ni des remarques désobligées, ni des résistances attitudes. Particulières, des attitudes, des attitudes machistes ou quoi que ce soit. Franchement, j'ai pas rencontré ça. Merci Irène pour cette question, c'est vrai qu'elle était super intéressante. Et puis merci pour avoir réussi à intercepter toutes les questions de la chatroom et les relayer. Chapeau, c'était pas gagné d'avance. Moi aussi j'ai une question qui n'était pas prévue au programme. Tu as beaucoup parlé de ton travail sur les modes de représentation. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de les voir quelque part? Le premier site là, sur anable.com/quantumdesign, quantum-design, je crois. On va mettre le lien dans la chatroom. C'est bon, je l'ai sous les yeux. C'est anable.com/quantum-design. Design, ouais. Voilà. Même le FR, tout ça, tu peux l'enlever. Donc, ça, c'était les premiers éléments. Il y en a d'autres dans le lien que j'ai mis, là, amateur.iris.centrepompidou.fr, qui correspondent à une intervention que j'avais faite aux entretiens du Nouveau Monde Industriel en 2010. Et là, où il y a une vidéo, et je montre, et sur la vidéo, on voit en action les objets que je manipule. Et donc, il y a des objets graphiques, il y a le fameux qubit que je manipule avec la réalité augmentée pour montrer comment, selon l'orientation de la base, on n'a pas forcément les mêmes résultats. Il y a également, j'avais fait une représentation d'interférence à partir de sons. Donc, ce sont des outils, je dirais, de vulgarisation plus que de. Enfin, si, mathématiquement. Et puis, je me parle aussi de comment j'ai essayé de coller au plus près de représentations mathématiques, sachant que, par exemple, la sphère de Bloch, elle est valable pour un qubit, mais dès lors qu'on en manipule plusieurs, on ne peut pas. On n'a plus de mode de représentation graphique, et c'est ce type de choses que j'ai essayé de résoudre. Donc voilà, dans cette vidéo là, il y a toute une explication de comment on peut représenter les choses. malgré le fait que ce ne soit pas représentable. Formidable, alors j'ai bien hâte de voir ça. Donc on trouve les liens que tu viens d'évoquer dans la chatroom maintenant pour les personnes qui nous écoutent en live, et pour les personnes qui nous écouteront en différé, on les retrouvera bien sûr dans les notes de l'émission et puis dans la retranscription de l'interview. Je crois que Julie va s'y coller, bon courage à elle d'avance, ça va être long mais ça en vaut vraiment le coup, super intéressant. Nico, je crois que tu avais aussi une question pas prévue. Ouais, tant qu'à y être, si moi aussi je peux rajouter des questions pas prévues. Alors d'abord, encore un truc pas prévu et même pas mis dans le conducteur parce que je me suis fait engueuler par Robin. Juste quelques mots, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées par Sylvie et où il y a des réponses là-dessus sur le dossier, sur les algorithmes entre autres, sur tout ce qui est les machines de Turing et sur qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, qu'est-ce que c'est qu'un calculateur, etc. Voilà, donc où ça peut être intéressant d'aller y rejeter un œil si vous vous posez des questions là-dessus. C'était deux mots. Robin m'a engueulé parce que je n'avais pas interrompu à tout moment pour expliquer tout ça. Et en fait, contrairement aux apparences, je me suis un peu retenu. C'est très bien. Et sinon, la question pas prévue, c'était qu'au tout début, tu nous as dit que tu avais lu plein de trucs, plein de bouquins. Est-ce que tu nous en conseillerais quelques-uns? Entre autres, tu as parlé des autobiographies d'Heisenberg ou autres. Alors moi, j'en ai effectivement sur la mécanique quantique. J'ai beaucoup aimé l'autobiographie scientifique de Planck. J'ai beaucoup aimé parce que il raconte son désarroi quand il apprend que, enfin quand lui-même découvre les quantas et ce que ça suscite en lui. Et puis les motivations, pourquoi il en était là, etc. Donc ça j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi la partie et le tout de Heisenberg, parce que d'une part on y voit sa démarche également, on y voit aussi ses liens avec ses contemporains, et ce qu'il y a de très très intéressant, c'est que ça commence avant la guerre, je crois, et ça se termine après la guerre, sachant qu'il y a eu tout l'épisode où il a été soupçonné Hitler lui aurait demandé de comment on pouvait fabriquer une bombe, et lui a demandé un petit temps de réflexion, et après aurait répondu bah non, c'est pas possible, ça coûterait trop d'argent, etc. Il a dissuadé Hitler de faire ça, et ensuite il en a fait part à Niels Bohr à un moment donné, mais sans visiblement montrer d'état d'âme particulier, et ça a marqué la fin de leur amitié, et la manière dont il raconte ça est assez est très très intéressante, parce que la manière dont il raconte l'histoire de son côté et qu'au final il a été après mis en résidence surveillée, mais qu'au fond lui il a été banni de la communauté de ses amis scientifiques parce qu'il était du mauvais côté, évidemment, c'est lui-même qui dit j'étais du mauvais côté, et sachant que moi je n'ai pas construit la bombe et que vous qui étiez du bon côté vous l'avez construite. Donc tous ces débats sont très très intéressants parce que ça remet en perspective à la fois la dimension scientifique et comment ça s'inscrit dans une société et dans un temps très qui était pour le coup très particulier. D'accord, ben, merci, super, c'est bien noté. Et on rappelle à la chatroom et aux auditeurs donc, que Heisenberg, avant d'être un dealer de drogue, était un scientifique. Hein. Alan, je te relaisse la parole. Moi, je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Sylvie, donc, tu as évoqué quelques liens. Tu peux nous dire où on peut te retrouver sur l'Internet mondial. Donc, tu es sur Twitter, je crois. Oui, Sylvie Tissot. Sylvie Tissot, en un mot, il n'y a pas de non, underscore, non, en un mot, rien de particulier. Voilà. Okay. Il y a aussi Madame Annabelle, mais j'utilise très rarement. Donc, puis okay. Il y en a d'autres, mais je ne les utilise pas. Et sinon, ton site web? C'est annabelle.com. Donc Annabelle, A-N-A-B-O-L-E.com. D'accord. Et puis c'est là qu'on retrouve aussi les différents liens que tu as évoqués, donc Quantum Design. Et puis un lien sur les paradoxes, où là, sur ce site-là, j'explique pourquoi le 0 et le 1, donc à partir de scan de page du livre Les lois de la pensée de Boulle, et là aussi c'est très très intéressant, mais bon, si je commence à en parler on n'est pas couché là. Ok, bah ça sera peut-être pour une autre fois, qui sait. Ce serait avec un immense plaisir, en tout cas. C'était vraiment un entretien passionnant. Un immense merci du fond du cœur. Bah, merci à vous aussi de l'invitation. On va enchaîner avec le pitch de la semaine prochaine. C'est notre amie Billy qui va venir nous parler du génome. Alors, je vous laisse écouter le pitch qu'elle nous a préparé. Le 26 juin 2000, à la Maison-Blanche, Bill Clinton et son homologue Tony Blair annoncent officiellement et en grande pompe le séquençage du génome humain. En réalité, le boulot n'est pas tout à fait terminé, mais il est nécessaire après 11 années de compétition, de coups bas, d'intrigues génético-financières et 3 milliards de dollars dépensés par les contribuables américains de calmer enfin les ardeurs des néocolons du génome. L'ampleur du projet génome humain fut telle qu'on le compare souvent à une sorte d'Apollo de la génétique. Ceux qui disent ça sont quand même des gentils, puisque lorsqu'on démêle les ficelles, les coups bas, les enjeux éthiques, politiques, médicaux et financiers, je trouve que le terme « Dallas de la génétique » lui conviendrait tout aussi bien. Sauf qu'ici, JR a peut-être eu un prix Nobel et qu'on ne tue pas pour un puits de pétrole, mais qu'on vendrait l'ADN de sa mère si ça peut aider à faire avancer la science. Alors, qu'est-ce que le séquençage du génome? Quels sont les enjeux et les limites de la lecture de nos gènes? Pour mieux comprendre ces problématiques, je vous donne rendez-vous sur Podcast Science le mercredi 21 mai à 20h30. À toutes! Tu ne connais pas la pitié. Voilà, notre ami Billy, qu'on a toujours beaucoup de plaisir à recevoir, qui ne fait pas les choses à moitié. C'est toujours bien se mettre en scène. C'est ça. Ouais, ça promet. Donc, c'est la semaine prochaine. La quote, c'est l'heure de la quote. Alors, est-ce qu'on t'a prévenu qu'on avait une petite tradition, Sylvie, que tu devais arriver avec une citation? Ah, ben bah oui, mais je... Ah, des gens ouais. Qui font bien leur boulot. Donc, t'es venu avec quoi? Eh bien, c'est celle que j'ai citée aussi à un moment donné, c'est « Tais-toi et calcule ». Voilà. C'est la quote de Feynman sur la mécanique quantique pour éviter que tout le monde se mette à dire n'importe quoi sur le sujet. Et je trouve que, en fait, c'était le point de départ de ce que j'ai fait sur les modes de représentation en me disant, bon, d'accord, je vais me taire, mais je vais l'exprimer peut-être d'une autre manière. C'est pas mal comme interprétation de la quote. Ça me parle bien. C'est moi, pas forcément beaucoup, la plus simple. Très bon, merci beaucoup. Et puis, on arrive vraiment tout au bout de l'émission, donc c'est l'heure de faire quelques plugs. Alors, tout d'abord, un message de nos amis du collectif Conscience. Je le cite tel qu'on l'a reçu par email. Nous t'invitons à nous rejoindre le temps d'une soirée pour parler de science, de conscience et de ruines de l'âme dans l'ambiance chaleureuse d'un café parisien. L'occasion idéale de rencontrer des gens partageant des idéaux et de détailler nos plans de conquête du monde respectif, le tout dans une ambiance qui épile du moustique à la fourchette. Si tu as des projets, des embryons de projets ou même l'idée géniale qui révolutionnera à jamais la communication scientifique à présenter, surprends-nous, c'est le moment de briller en société. Nous te donnons donc rendez-vous samedi 17 mai à partir de 19h30 à l'étage du Café du Pont Neuf, 14 quai du Louvre à Paris. C'est dans le premier arrondissement, donc, parce que Conscience aime bien élever le niveau. Alors voilà, donc c'est ce samedi, le 17 mai. Et pour information, moi j'y serai. J'ai déjà relayé l'invitation à tous les auditeurs qui disent toujours « Coucou, il faudrait qu'on se voit la prochaine fois que l'un d'entre vous est de passage à Paris ». Nico, tu y seras aussi finalement ? J'y serai sans doute, oui, en fonction de mes possibilités de déplacement et de l'endroit où c'est. Ok. Parce que, oui, pour tout le monde qui n'est pas au courant, je me suis rompu le tendon d'Achille, donc je me déplace un peu plus lentement. Tous les super-héros ont un point faible. C'est ça. Bon, le tendon d'Achille, je crois que c'était déjà fait, ouais. Le même qu'un héros mythologique, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Ok, Sylvie, t'es la bienvenue aussi. D'ailleurs, ce serait formidable si on pouvait se rencontrer en chair et en os. Oui, sauf que j'ai quelque chose à cette heure-là, mais je sais pas avant. Ouais, ce sera pour une autre fois ou éventuellement un peu avant. Ouais. Ouais, bonne idée. Bon, on regarde tout ça hors antenne. Voilà. Et puis sinon, Nico, t'avais aussi des annonces à faire. Oui, parce que donc c'était il y a 2 semaines. J'ai râlé en disant qu'il y avait plus d'indécence. Tu m'as fait remarquer que c'est parce que je leur avais pas réclamé. C'est juste. Du coup, ouais. Je l'ai réclamé et ils ont sorti un nouvel épisode Indécience de leur podcast. C'est donc, bien. Comme d'habitude, on en fait la pub. Je l'ai écouté et c'est très, très bien en plus. Ils ont interviewé le médecin qui a fait l'implantation du premier cœur artificiel dont on a entendu parler récemment ou okay. sur une personne qui avait 75 ans et où je crois qu'il a survécu quelques semaines, mais qui est une vraie première prouesse et c'est hyper intéressant comme interview. Je vous invite tous à l'écouter. Quoi. Bah, merveilleux. C'est bien quand tu fais ton boulot. Tu vois que tu changes le monde. Ça fait donc plaisir. Là, j'annonce tout de suite. L'épisode vient de sortir, c'est bien. Je veux un épisode dans un mois, c'est-à-dire le 14 juin. Ouais, le 14 juin à 16h. Parfait. Et on a Robin qui s'incruste dans le conducteur. Il n'était pas dans l'émission parce qu'il était dans une autre conversation Skype. Même avec un ordinateur quantique, de toute façon, il n'aurait pas pu être avec nous. Mais voilà, il est en train de nous faire un plug pour le Salon Culture et Jeux Mathématiques. Ce sera Place Saint-Sulpice à Paris, donc le week-end du 24 au 25 mai. Et c'est super bien le Salon Culture et Jeux Mathématiques. C'est un tout petit salon sur une place, mais c'est très très sympa. Il y a moyen d'apprendre à faire des tétraèdres, en tickets de métro, tout ça. Quoi. Ça plaît beaucoup aux enfants. Moi, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises et c'est vrai que c'est... Comme il y a plein de manières d'aborder plein de questions différentes, c'est vraiment, c'est comme tu dis, c'est petit et c'est riche. C'est petit, c'est bonne ambiance, c'est simple, tout le monde se parle, il y a moyen de parler à tout le monde et c'est très très, très sympa. Et je pense que du coup, vous y irez, Robin, s'il vient d'en parler au stand du Palais de la Découverte, du coup. Ouais, Robin qui a très envie de se faire payer une bière d'ailleurs. Donc voilà. Je sais pas s'ils vendent des bières, tiens, au Salon de Culture et Jeux, mais s'ils le proposent, sans doute, quoi. Ouais, ou alors venez avec votre propre bière. Et puis, on avait Julie aussi qui avait un message à faire passer. Nico ? Ouais, donc le nouveau message, c'est qu'on a un nouveau donateur. De toute façon, on va faire un point sur les donateurs sous peu, parce qu'on a des nouvelles à vous annoncer. Donc, un nouveau donateur qui s'appelle Alan, mais c'est pas notre Alan. On le remercie. Super. Et oui, la nouvelle, je fais un petit teasing, on vous en parlera la semaine prochaine, parce que je viens de le recevoir et ça n'a pas été configuré, mais on a fait notre premier achat avec vos dons. C'était pas de la bière. Et c'était pas de la bière, ouais, c'est un truc utile. C'était pas que de la bière. Qui va vous servir et accessoirement qui va vous rendre le podcast meilleur, normalement. Et je veux pas en parler maintenant parce que ça n'a pas encore fait effet ce soir. D'accord. Mais donc, c'est de la bière. Bon, enfin, tu nous diras tout ça la semaine prochaine. Non, c'est pas de la bière, on a dit que c'était des bonbons, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Non, c'est pour un autre don. Ah ben, c'est justement le Alan en question, là. Ouais, moi, il m'avait déjà offert des bonbons lors de la soirée radio dessinée à Lyon l'année dernière, enfin des confiseries lyonnaises qui étaient absolument extraordinaires. T'as pas partagé, étonnamment ? Monsieur, je partageais. T'as juste oublié. C'est facile. Bref, on va peut-être conclure, vu l'heure. Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous d'être toujours plus nombreuses et nombreux à nous suivre et à échanger chaque semaine. C'est rien que du bonheur. On vous adore. Merci à Pouillot qui nous a de nouveau fait des dessins merveilleux dans la chatroom. Un immense merci encore à Sylvie, bien sûr, d'avoir été des nôtres ce soir. Si vous nous aimez, n'hésitez pas à le faire savoir en envoyant des cartes postales ou des tweets, des commentaires sur iTunes ou au Café du Coin. On se retrouve la semaine prochaine avec Billy, donc, qui va nous parler du génome. Et d'ici là, ben, bonne semaine à toutes et à tous. Que servir la science soit votre joie. C'est quand même chapeau comment elle a réussi à s'intéresser à un domaine hyper compliqué. Quoi. Je trouve ça hallucinant. C'est hallucinant. Hein. Ouais. Moi, je me suis aussi posé la même question que son point de départ. Genre, jusqu'où est-ce que la loi de Moore va fonctionner ? Mais de là à entreprendre toute cette démarche pour pouvoir répondre à la question, c'est juste taré. Quoi. Ouais, c'est pas trop. Ouais, c'est un peu excessif quand même. Surtout d'avoir contacté les scientifiques et tout. Ben non, mais je sais pas, c'est quasiment pour moi une démarche un peu citoyenne, tu vois, de pas laisser les choses se faire un peu à l'aveugle à côté de toi, mais d'essayer de les comprendre. Alors c'est bien sûr utopique comme approche, mais c'est bien que ça existe, quoi. Ah ouais. Robin, tu racontais quoi, en fait, dans le conducteur concernant ton teaser ? C'est quel teaser que tu dois faire ? Non, mais parce que Julie m'a très justement fait remarquer qu'il fallait, comme j'avais complètement oublié, non, j'avais ça vaguement dans un coin de ma mauvaise conscience, mais que je fais un dossier dans 15 jours. Ah, c'est vrai ? Bah, il paraît. Et tu t'en inquiètes 15 jours avant maintenant ? C'est vachement bien. Bah, grâce à Julie. C'est vachement amélioré. Ouais. Mais c'est parce que c'est parce que Julie m'a dit ah dis donc il faudrait que tu fasses un teaser. Je dis comment ça faut que je fasse un teaser. Voilà, et là j'ai juste prévenu que bah en fait il était pas prêt le teaser parce que je sais pas encore de quoi je vais parler. Bon, les innovations de Pascal, c'est pas toujours bien en fait. Ouais, il y a toujours un petit côté un peu aléatoire, quoi. Écoute, l'intention... Il a bien été formé, hein, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Parce que, qu'est-ce qu'il y a ? Eh, j'ai essayé de coller un lien dans la chatroom, ça n'a pas marché, c'est normal. Ouais, il y a plein de trucs qui ne marchent pas, et Pascal a fait un truc assez élaboré, c'est-à-dire qu'il a fait un truc où quand tu mets un pseudo pour parler à une personne, il le remplace aléatoirement par un autre pseudo. Mais ça fait partie du brief, je suis sûr. Tu l'as forcé à faire ça. Attends, j'ai pas compris. Quand tu mets un pseudo pour genre parler, tu dis Alan pour répondre d'accord. à Alan. Ouais. Il remplace ça. Au moment où tu tapes sur entrée, il remplace par un autre pseudo. C'est ça. Il t'empêche de mettre des smileys. Tu vois plus ce que t'écris. Enfin, il y a 2-3 bricoles comme ça, mais. C'est qui Gigi déjà? C'est celui qui fait un blog un peu pourri, là, c'est ça? Ouais, c'est j'ai vu. Vous êtes horrible. Vous êtes des jaloux. C'est ça. Avec un nom ridicule, tu sais. Ouais. Ah non, c'est le problème de choisir le nom de son blog quand on est bourré, quoi. Attends, c'est quelque c'est un chose. Peu comme, c'est un peu comme moi avec le nom de ma compagnie. Avec quoi? Avec le nom de ma compagnie de théâtre. C'est quoi le nom de ta compagnie? La compagnie par erreur. Parce qu'elle a été créée par erreur. Voilà. Tu sais qui était trésorier de la compagnie par erreur? je préfère ne pas savoir, non? Vous n'êtes pas encore en taule avec un trésorier pareil? Bon, c'est bien les piqûres d'anticoagulants, moi aussi je pratique. Ouais, c'est marrant, ça fait des bleus. Et des petits bleus. Non, mais c'est une technique, hein. Après tu t'en fous. Ouais, mais l'or s'y prend beaucoup mieux que les infirmières de l'hôpital, quoi. Ah, non, moi je me les fais toutes seules, tu parles. Ouais, ça va. C'est pas Robin qui Madame se la pète, quoi, c'est bon. Ouais. Non, mais si c'est pas toi, c'est Robin. Je comprends.